från Ungerriket Sverige. Konungariket Sverige. Je suis le ver et je suis la chair. Je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Hautes herbes s'agitent sous le vent qui semble croître plus que de raison en ce mois de juillet. Kiyoshi a cessé de pleurer auprès du cadavre de cet inconnu étendu dans l'herbe, le sang noir répandu sur la tenue de camouflage qu'il habite encore. Le vent souffle à présent fort, agite les branches des arbres tout autour. Les bouleaux sont pris dans la bourrasque, tout comme vous. Kiyoshi titube en direction de la rivière, l'arme à la main. Ta mâchoire te lance. Elle est douloureuse à croire qu'il t'a déboîté celle-ci ou que son mouvement tournant avait plus de portée qu'on ne pouvait l'imaginer. Doris Karl, tu as également été malmené par cet inconnu. Tu sens le vent autour de toi qui souffle, Kiyoshi qui s'éloigne. Quel est ton sentiment sur l'instant ? Que penses-tu de la situation qui s'offre à vous ? Vous étiez en voyage d'agrément, accompagnant un voyage professionnel de votre cousin, et vous voilà roué de coups, gazé la nuit dernière, perdu au milieu d'un parc paumé au nord de la Suède. Je ne pense guère qu'on s'en sort, et je pense qu'on est fait comme des rats. Sérieux? Adrien, que penses-tu de la situation, toi? Elle est catastrophique, mais on verra bien si on arrive à s'en tirer. Que faudrait-il pour s'en tirer? Je saurais pas trop le dire actuellement. D'après toi, Adrien, que faisaient ces deux motards lourdement armés, une Kalachnikov, même si c'est l'arme la plus répandue au monde, c'est une arme lourde, une arme de guerre, que fait-elle dans l'espace Schengen brandi par un motard dans un parc naturel? Il devait probablement récupérer quelque chose pour le compte d'autrui. Et cet autrui a les moyens de sa diplomatie. Musclé, mais il en a les moyens. Que comptes-tu faire? Tu souhaites rallier le plus rapidement possible la ville que vous avez quittée où réside... le cousin Yoris Karl, pour en appeler aux autorités. Ce serait le plus sage. De police. Ce serait le plus sage, même si la procédure est longue. Qu'en penses-tu, toi, Yoris Karl? Est-ce que tu songes à faire intervenir la police, ou tes pensées vont ailleurs? Je ne pense pas que faire intervenir la police soit d'une quelconque aide. Je pense même, bon, loin de moi tout complotisme, mais loin de moi l'idée que la police soit de mèche avec les bandits, mais je pense que les bandits seraient très vite au courant qu'on ait averti la police, le redoublerait d'énergie pour nous faire passer de vie à trépas et que en vérité, on s'embourbe dans plus de problèmes. C'est leur but de nous faire penser ça. J'en ai venu à en parler à haute voix. Non, c'est un commentaire méta. Enfin, je sais pas, c'est comme tu préfères. Si t'en parlais à voix basse, enfin, dans ta tête, c'est un commentaire méta. Si t'en parlais à voix haute, c'est un commentaire de mon personnage. Je trouve que c'est plus pertinent qu'on en parle à voix haute. Donc, c'est un commentaire de mon personnage. Vous en êtes venu à en parler de vous-même. Oui, parce que... À rompre avec le silence qui... oui, mais on le fait en message, j'imagine. Moi, je suis pas sûr qu'on le fasse en message. Bah, à part si Xavier... Oscar et... ça dépend si on en parle à Oscar ou... et Leslie. Je ne sais pas si c'est que entre nous deux ou si c'est avec les deux autres aussi. C'est à vous de le préciser. Là pour le coup, c'est une question. Je pense que c'est plus entre nous. Parce que sans en vouloir, s'ils sont tous les deux encore étudiants, je ne sais pas trop quelle expérience ils pourraient avoir. C'est tout de même. Situation singulière, vous êtes là sur la berge de cette rivière dont vous ne connaissez pas même le nom, et étant étendu à vos pieds deux cadavres. De soldats, probablement, ou de mercenaires. Qu'en penses-tu, Oscar, toi ? Ça te renvoie à des histoires de Tintin ou à autre chose ? Ce sont des Bashibouzouks qu'auraient rudoyé le Capitaine Haddock ou... Oui, ce serait ça, à mes yeux. Ce serait des histoires de Tintin. Les onomatopées et les symboles colorés et aux formes étranges qui ornent les bulles de dialogue... accompagnant les orions que distribue le Capitaine Haddock, les coups de poing à l'emporte-pièce, ne laisse pas de trace à la lecture. Là, toi, tu as la douleur qui paralyse à Denis ta mâchoire, qui te dit que c'est pas une histoire qui gît dans une vieille BD qui sent le vieux livre... le vieux papier et quelque part les champignons. Qu'est-ce que ça évoque en toi, cette situation ? Qu'est-ce que ressent Oscar ? Il est... étonné. Étonné ? Il regarde fixement l'eau. Donc il a dans son champ de vision Kiyoshi qui se lave les mains. Alors que la nature tout autour bruisse, indifférente à la scène qui vient de se dérouler d'une rare violence. Même dans la cour d'école, t'as jamais reçu d'aussi mauvais coups, non ? Ça dépend des moments. Quelqu'un t'a-t-il déboîté la mâchoire dans un avant que tu ne... Non, pas la mâchoire, mais quelqu'un m'a cassé la jambe. Mais c'était il y a vraiment très longtemps, en primaire. Intentionnellement, alors que toi... Oui, intentionnellement. Alors que toi, tu tenais une dague de chasse ? Non, moi j'étais tranquille en train de discuter avec mes... J'étais tranquille, pépère, en train de discuter avec mes copains. Des bébés Tintin qui m'ont venu de lire. Pourtant là, tu as ta dague de chasse... C'est... qui a entaillé et le ceinturon et la même sectionné de telle façon que... Le corps qui gît à tes pieds de cet homme est grotesque. Il a le pantalon à moitié défait. Et pourtant, il y a cette blessure infâme, cette mare de sang qui s'est répandue sur son corps. Le regard vitreux, absent, qui contemple la nuit. Les nuages qui filent sous le vent qui a diminué, n'a plus la force de tout à l'heure, de cette bourrasque brève qui a soulevé les brindilles au sol, la terre, la poussière séchée de ce mois de juillet suédois, le temps où cette zone n'est pas humide. Tu aperçois Kyoshi qui se relève brusquement et essore la manche de sa chemise et son par-dessus qui ont trempé dans l'eau de la rivière qu'il sent et éloigne de son nez. Il s'éloigne en longeant la berge. Adrien, Yoriscar, que faites-vous? Le fait de voir vos petits cousins désemparés sur le sol ne vous à côté de ces deux cadavres. Je me marmonne. Yoris, j'avais un doute sur ton nom. Moi, je lisais Louis de là où j'étais. Désolé. Que fait-on, Yoris? Peut-être commencer par les relever. Il faut pas qu'on traîne. Oui, mais pour aller où? Vers là où on était, c'est-à-dire vers le sud, essayer de retrouver un peu une trace de enfin d'autres. D'autres êtres vivants que nos poursuivants. Ok. J'aide les deux bachibouzous qui se relevaient et bah, on est en train de le problème, c'est de savoir où elle suit. Et là, tu vois que ton cousin Oscar est vraiment mal en point. Il y a du sang qui a coulé depuis la commissure de ses lèvres. Il s'est répandu sur sa joue. Il en a manifestement pas conscience. En fait, tu as dans la main deux dents cassées. Et j'ai... pleines de sang. Deux dents qui t'ont été arrachées sous le... l'impact de ce coup. Ce coup de pied tournant, c'était pas... c'était tout comme dans un film. Les films de Kung Fu. Tu te tiens maintenant debout, la mâchoire endolorie, un petit peu tremblant parce que tes jambes ont peine à te porter. C'est à ton corps défendant. T'aimerais avoir la langue que tu avais quand tu as quitté la soucoupe plus tôt ce matin. Décidé dans le sillage de Kiyoshi qui avait des airs de conspirateur, de policier, de série ou d'un privé qui enquête sur des phénomènes étranges de disparition. Mais là, c'est un côté réel, indubitable que tu peux mesurer dans tes propres chairs, Oscar. Que tu as payé en dents trébuchantes. Leslie, tu as du mal à reprendre pied, à renouer avec les événements qui se sont succédés dans cette matinée estivale, loin de chez toi et de ton cocon familial. Et pourtant, c'est en famille que tu es, mais tout à coup, ceux qui sont autour de toi sont comme des étrangers. Tu ne les as jamais rencontrés. Tu es ailleurs. Et tu n'entends pas, ou dans un état second, le vent qui se lève, les eaux de la rivière qui se gonflent, le niveau qui monte, qui vient lécher la rive, à tel point que cela noie la manche de Kiyoshi, qui ne prête pas attention et dans un geste un petit peu absent se lavait les mains. Mais de quoi? Tu le vois s'éloigner, tu vois s'éloigner l'homme que tu suis depuis plusieurs jours déjà, et tu vois la fumée familière qui enrobe, nimbe tout ce qui est ton environnement quotidien. Tu te retrouves plongé quelques jours auparavant, lorsque tu préparais l'opération. Une ville morne, mais qui est la ville où, depuis quelque temps, le quotidien est devenu tien. Un temps de silence, à peine rompu par le recueillement qui est nécessaire à une préparation d'une opération aussi importante. Parce que pour la cause, il est essentiel, indispensable, que le Covid-19 reconditionné se répande. Tout est prêt. Vous avez fait des repérages l'été précédent. Tout est minuté. Et puis, si ça foire, il y a toujours cette espèce de dégénéré qui a déjà été exposé au virus reconditionné. C'est votre seconde chance. Si vous foirez, la cause ne sera pas remise, ne souffrira pas de votre échec. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous interveniez avec efficacité et que vous répandiez ce qui pourra asseoir les prétentions de la cellule. Tu as quitté Vilma, la Finlande froide de cet été qui n'en finit pas, En Finlande, le temps est encore là. Ailleurs, c'est autre chose. Tu remontes en aveugle ton pistolet. Il est rutilant. Tu saurais le remonter dans n'importe quelle condition. Et là, tu es au milieu des tiens. Tu n'es plus celui que tu fus un instant singulier, étrange, bizarre, où le temps s'est distendu. Tu n'es plus Vladimir Kosniewski. Vladimir Kosniewski, tu l'as contemplé dans le miroir de la salle de bain où il s'entraînait, où il remontait son arme quelques secondes auparavant. C'est celui dans lequel tu as planté ta seringue quelques minutes avant seulement. Et qui gît raide, mort, dans l'herbe, à vos pieds. D'accord. Que faites-vous ? Ce qui nous semblait être le sud. Vous laissez les deux cadavres sur le sol, sur la berge. Celui que c'est des cadavres, ça sert entre guillemets à rien de les emmener. À part si en revanche, ça pourrait attirer du monde. Ce qui pourrait être fait, c'est que. Et pourquoi les avez-vous surpris sur cette berge ? Vous en souvenez-vous seulement ? Bien évidemment, vous en souvenez. Vous avez suivi Kiyoshi en tombant d'accord sur son argument qu'il fallait absolument suivre les traces des motos de ceux qui avaient déposé la bonbonne pour retrouver sa femme, oui. Soen. Est-ce que cette idée est abandonnée pour vous ? En vérité, je pense que c'est la bonne route à suivre. Mais ce qu'il faudrait, c'est couper des traces derrière nous. Donc, alors, on a deux choix. Le plus simple, ce serait de jeter les corps au niveau de la mer. De la rivière. Oui, dans la rivière. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent ressurgir à tout moment au niveau du. De l'eau et ça peut mener à une enquête des policiers. Soit on le dissimule dans le bois. Et là aussi, il y a quand même un risque. C'est plus long. Quel âge as-tu, Leslie ? Tu as dit que tu étais lycéenne. Tu as 18 ans ? Oui, je suis bien. Donc, tu pourrais être poursuivi. Ouais. Non, j'ai pour 12 le j'ai 17 ans. Moi, j'ai 12 ans. Tu as 17 ans. Oui, j'ai 17 ans. Je suis à 18. Non, c'est à 12. une pote Non. Non. Non, en France, tu... c'est à partir de 18. Unis, ça. À 18, tu prends plein pot. Avant, t'as des... tu prends pas plein pot, tu as une sorte de responsable légal et compagnie. Sachant que ton dossier judiciaire peut être bloqué, scellé, je crois, c'est le mot, lorsque tu es mineur. À partir du moment où tu es majeur, il n'est plus scellable. Enfin, sauf sous procédure méga chiante dont j'ai pas retenu le tout. Et donc, toi, en tant que grand cousin qui les a invités, ça... est-ce que ça t'effleure l'esprit Ouais, c'est bien. Que Leslie pourrait être. Sur le moment, pas vrai. Bon, sur le moment, je m'inquiète surtout de l'état de l'autre. L'autre Gus. Il est pas bien dans sa tête. Oui, au-delà du fait qu'il soit pas bien dans sa tête, ça, j'aimerais sûr que c'est de naissance, mais. Merci. Je te rappelle que je suis sa sœur quand même. Mais je me demande vraiment si je suis sa sœur des familles. Voilà, bon. On s'en fout, on va même pas s'il adopter. A adopté. Ah, c'est pas lui qu'on a adopté, hein. Non, ma mère est presque pareille. Presque. Presque. Presque. Presque. Mais elle est plus vers lui que vers moi. Oui. Mon père, je l'ai pas connu. Oui. Ah bon? Ouais. Bah oui. Tu te rappelles pas? Il est parti. Il semblait que c'était un grand fan de Star Wars. Oh. Ah bon? Star Wars. Ok. Je suis un grand père aussi. Donc j'ai été adoptée. C'est ça. Oui, je vais partir. Tu es convaincue que tu as été adoptée? Oui, j'ai été adoptée. C'est sûr. C'est ce qui explique la résolution avec laquelle tu as planté ta seringue dans le corps de ce Vladimir. Pourquoi ça expliquerait pour ça? Je ne sais pas. C'est une suggestion. Bah, non, pas trop, non. Je sais pas, moi. Ouais, c'était un réflexe. Hein. C'était un réflexe, et au-delà du réflexe, maintenant, là, dans ce moment apaisé, enfin... après le déchaînement de violence, quelle idée te vient? Est-ce que tu es prêt à envisager une suite? Ou quelle suite es-tu prête à envisager plutôt? Bah, qu'on se fasse arrêter ou qu'on meure. Voilà. Et autant être franc. Hein. Que faudrait-il faire pour ou alors fuir. Échapper. Donc pour toi tu serais fuir ou se défendre ou attaquer, je ne sais pas trop. Après et je ne suis pas la seule à ceux qui nous attaquent, contre-attaquer quoi. Et qui sont-ils? Alors là. Et comment pourrais-tu le savoir? Bah en les fouillant les cadavres. Es-tu prête à les... Bon, ouais, ça me dérange pas, hein. C'est donc, presque mon futur métier, mais bon... Tu t'approches de Vladimir? Bah oui, et pas connu, parce qu'il y a l'autre avec son pantalon l'enregistrer. Donc tu vas fouiller dans la vareuse de l'autre? Oui, les deux, allez. Comme ça, je suis sûre de rien de louper. Ne regarde pas faire, d'accord? Non. Je me retourne. C'est pas pour les enfants. Ah. Et je me retourne. À l'intérieur de la vareuse, tu trouves des papiers d'identité au nom de Vladimir Kosniewski, citoyen russe. Ah, vous souhaitez citoyen russe. Je ne saurais jamais dire ce mot. Et il vient de... De l'armée. De quelle province de Russie? C'est écrit en cyrillique. Quelqu'un lit le cyrillique? Non. Je sais lire le cyrillique. Bah tu nous avais dit que tu savais pas lire le cyrillique quand tu t'as montré la bonbonne. Leslie, tu n'as pas... tu as appris le cyrillique à l'école? Tu as commencé le russe au lycée? Oui. En option? Oui. Vraiment? Bah oui, j'ai déjà fait le matin. Attention, va falloir que tu regardes des photos, hein, je te le dis. Des photos quoi? Des photos quoi? Des photos? Il y aura des photos avec écrit les trucs que tu vas devoir trouver. Donc tu te souviens de ces cours de russe avec Madame Urman? Как вас зовут? Ну, пошли, пошли! Виск! Yes. Et tu te souviens de ces conversations incessantes dans la cellule entre Osset, comme c'est Vladimir Kosnievski, et donc citoyen Osset, et Alyosha Kamenev, ci-devant citoyen russe. Mais ayant participé ressortissant de Tchétchénie, le gros barbu au teint sombre, c'est un Tchétchène. Et ce que tu notes, c'est que dans le coup, ici, il a un tatouage bien visible maintenant que il regarde pour l'éternité le ciel. Un tatouage en cyrillique, néo-rouche. Encore et toujours. Ce ne serait pas, c'est pas immédiatement visible puisque c'est là où retombe sa chevelure épaisse et frisée habituellement. Et donc c'est la plupart du temps effectivement dissimulé, mais dans la position où la mort l'accueillit, son tatouage est parfaitement visible, manifeste. Et quand tu livres ta lecture confirmée par Yoris Karl, tu as dans ta tête des voix qui parlent en russe. Oh, tais-toi, lui qui sourit. Peut-être tout le temps. Est-ce le souvenir des labos de seconde avec Madame Ourman, ou ceux de première avec Madame Imbert, mais de mémoire ça parlait pas aussi vite les leçons russes, c'était laborieux. Vous en étiez à déchiffrer l'alphabet et mémoriser des phrases aussi simples que « Bonjour, je m'appelle Victor. Bonjour, mon nom est Alexandre. » Mais pourquoi Victor? Pourquoi mon ami? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi moi? Et parce qu'il se trouve que la méthode de russe en français disponible au sein de l'éducation nationale s'appuie sur ces deux personnages. Mmh. Alexandre et Victor. Tu es russe? Alexandre, tu es russe? Je ne sais pas. Pas que je sache. Pas que je sache. Je ne savais pas. Je savais pas que j'étais russe, tu vois. Et tu mourrais, moi. Bien, en même temps que les que ces ces voix de d'hommes qui discutent en russe sans que tu comprennes le sens précis de la conversation, c'est comme des gens qui parleraient dans une cafétéria. Autour d'une machine à café au lycée, on entend vaguement les mots et ça crée une musique, une prosodie à laquelle tu te sens étrangement familière désormais. Et surnage à nouveau le nom de la ville de Vierne, à la frontière de la Carélie et de la Finlande. Une ville industrielle, industrieuse, peu sage, où essentiellement vivent des ouvriers de l'industrie qui se sont expatriés de leurs régions respectives de toute la Russie, depuis l'Oural en passant par la lointaine Sibérie, pour y trouver un emploi en ces temps de vache maigre. C'est dans le secteur de la chimie que la ville est réputée. Pour quelle raison ? Il se trouve qu'elle dit Virm, et que, étrangement, votre cousine se met à blablater en russe. Je suis possédée. Et tout aussi étrangement, la plupart des phrases vous sont intelligibles avec un temps de latence, comme si vous aviez un traducteur, une oreillette qui vous souffle les mots avec cette on distance. Est possédé. Ou c'est bon, comme des sous-titres qui apparaîtraient en image mentale dans votre palais mental, de jolis sous-titres en jaune, boulevard des productions. Ouais. On est possédé. Vive la possession. C'est un sentiment de malaise qui vous habite. Vous avez l'air d'être présent et tout en étant absent. On devient spectateur. Vous êtes spectateur de vos propres corps qui se sont penchés sur ces deux cadavres. Yoris Karl, tu évoquais la possibilité de les cacher aux autorités, que les livrer à la rivière ne serait pas la solution. Alors, quelle serait la solution ? J'avais dit de les simuler dans le bois, ce serait la meilleure solution. Et on va faire quoi ? Mais c'est pas moi qui vais devoir cacher le corps, c'est bon. Ah, moi je le mets sous des racines. Ni vu ni connu. Tu l'enterres. C'est bon, on le voit plus. Leslie a en main une... Je ne sais pas d'où elle sort, elle est apparue dans ma main. Elle n'a pas fait pop. Au fait, elle était posée, ou par du moins elle gisait. De quoi ? Parmi les hautes herbes, une vieille pelle. Bon, enterre-les. À la poignée toute rouillée, mais le reste est la lame a été utilisée récemment. Mais c'est une vieille pelle comme on n'en fait plus. Le manche est gris, est devenu gris par l'âge. Le bois a changé depuis longtemps de couleur. Il n'a plus son aspect patiné, sinon par le temps. Est-ce que vous enterrez Bah moi je propose, hein. On les enterre, oui. On les enterre. Ou on les dissimule juste dans la forêt. Mais pourquoi ? Bah le but c'est que on ne soit pas accusé, mais pas de planquer des preuves qui pourraient arrêter les deux motards. Enfin je sais pas, c'est qu'un avis personnel. Ok, on fait rien. Bah non, l'idée c'est juste de les mettre dans la forêt sous un tas de feuilles par exemple. Mais il y a un coup de vent, c'est bon, on les voit. Vous n'êtes pas trop de deux. Oui, non, mais quand je dis feuilles, ça peut être tas de feuilles et de brindilles. Excuse-moi, pour pousser un tas de feuilles et de brindilles sur un cadavre, faut y aller. Rigidité cadavérique, tout ça, tout ça. La rigidité n'est pas encore atteinte, mais le poids, notamment de celui qui se nommait Alyosha, le Tchétchène, celui dont le treillis est au bas des jambes, est particulièrement lourd. Il a mangé des sushis, ça. Et vous n'êtes pas trop pour les sushis, de deux, Yoris Karl et Adrien, pour le tracter jusque sous les arbres. l'abri des arbres, vous rassemblez les feuilles. Des feuilles pour... Si ça convient... Et que faites-vous des motos? Des deux motos qui, qui sont garées... Elles sont garées? Elles sont... Oui, elles sont en bon état, elles sont juste garées. Bah ouais. On les laisse là, non? Oui, je pense pas que ce soit forcément une idée. Et puis, entre guillemets, c'est suspect, mais étant donné qu'on n'enterre pas les cadavres et qu'on s'amuse pas à planquer les preuves, on s'amuse juste à les... cacher? Oui, mais on les cache pas dans le but de... car on se reproche à quelque chose, mais pour éviter d'être accusé, c'est pas la même chose. Bah, tu vois, il y a les bons dresseurs et les mauvais dresseurs. Pardon. C'est un argument à la con. Regarde, il y a le bon chasseur, il voit une proie, qu'est-ce qu'il fait? Il tire dessus, mais c'est un bon chasseur. Alors qu'un mauvais chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une proie, il la tue, point. Oui, il y a aucune différence. Oui, il y a aucune différence. Voilà, là je suis en train d'essayer de vendre le diable, mais il y a aucune différence. Oui. Voilà, c'est tout. Une fois les deux cadavres mis à l'abri des broussailles, que faites-vous? Bah moi j'aurais plutôt dit qu'on démarre les motos et qu'on s'en va. Avec les motos? Ouais. Ça nous usera moins. Je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Qui sait conduire? Pas moi. Qui a le permis? Pas moi. Mon permis là. Ah, mon personnage là. Toi, Adrien, t'as le permis voiture, mais tu sais pas piloter une moto. T'es jamais monté là-dessus à l'arrière. D'accord. Quelqu'un veut mourir? Oui. Non, moi je veux essayer. Je veux pas mourir. Et toi, Yoris Karl, est-ce que tu sais faire de la moto? Non, absolument pas. Est-ce que je peux essayer. Bah, commence par avoir ton permis. Ah, c'est bon, j'ai la taille, je monte dessus, c'est bon, mais on s'en fiche du permis. Ah, tu peux monter dessus. Les clés sont dans la vareuse de chacun. Qui veut monter avec moi? Décoré avec des têtes de mort pour Alyosha et décoré par un dé à six faces pour ce qui concerne Vladimir. Qui veut monter avec moi? Personne. Tu démarres la moto? Bah voilà, la solidarité entre frères et sœurs, merci. Au kick? Ou Mais... Dans l'arme, parce que... Non. Ou via la manette des gaz? Non, mais moi je dirais que c'est mieux comme piloter. Ça, on est tous ensemble. T'es jamais monté sur une moto, mais tu sais piloter. Oui. J'ai été très bonnée. Tu as été sur les manèges. Mais non, je sais comment ça se conduit, mais je suis jamais montée dessus. Je vais faire. Tu la démarres au kick ou via la poignée? Qu'est-ce que tu pièges? Si je fais le bon choix, il n'y aura pas de problème. Mais quel serait le problème selon toi? Je me prends un arbre. Ou alors je roule sur quelqu'un. Restez pas devant moi, Nidé. Non, mais moi je recule hein, instinctivement. Oh, tu sais que je vais me louper, tu sais très bien que je vais me louper. Hein. Donc tu la démarres au coup à la poignée. Désolé, c'est sorti tout ça. C'est-à-dire. Au pied, avec. Il y a des pédales. T'as un levier qui est actionné par le pied. Et qui déclenche le démarreur de la moto. Bah, c'est un peu logique que je commence par ça. Mais tu peux aussi la démarrer classiquement comme une voiture en allumant les gaz et en faisant jouer la clé en même temps. Ou au contraire la démarrer au kick, ce que font les motards. Genre, les S fiers de leur moto sont des motos. Je suis fier de ma fausse moto qui n'est pas à moi. Donc, tu la démarres au kick? Ouais, je vais me foncer dans un. Non, c'est avec la poignée que tu fonces dans un arbre souvent. Donc, tu la démarres, oui. J'entendais le. Bah, moi je recule. Le vombrissement de la moto, c'est pas une. Oscar, c'est pas une. C'est la pas fin une du monde arrive. Hein. La fin du monde arrive. Leslie a démarré sa moto. Ce sont des. Attention, rentrez dans ma série. des motos. Il va écraser tout le monde. Ce sont des routières, même pas des motos tout-terrain. Oh là là, c'est inadmissible. Petite cylindrée, mais rapide. Mais c'est toi qui l'as volé en fait. Et, c'est pas de la marque. si, marque, c'est des japonaises. Ah, coronavirus. Et d'ailleurs, Kyoshi démarre l'autre. Yes! Bah, moi je les monte sur motos la chaîne de Kyoshi. Elles sont pas mal réputées, au contraire. Mais viens, mais. Oui, t'as pas le permis. Ce ne sont pas les. Elles ont pas la réputation d'être solides, mais en tout cas, elles ont. Ouais, c'était surtout au petit cheval, en disant que c'était une moto. Fiable, non, c'est oui, toi qui bon as fait ça, je te rappelle. Comment on ne reparle plus. C'est ça, c'est. Je t'ai payé 5 euros pour que tu fasses ton tour de manège. Qui monte derrière Kyoshi? Qui monte derrière. On n'en parle plus des tours de manège. Toi, je monte derrière lui aussi. Non mais il y en a deux derrière. Et donc derrière toi se presse Eioris Carl et une minute de silence. Oscar. Yes. Oscar, yes, viens. Oscar entre toi et Eioris Carl. Pour que l'assiette. Il est combien dans sur cette moto? Bah 3. Et moi je suis sur l'autre avec. Non mais moi j'étais parti avec Kyoshi. Il a pas de place. Et tu préfères monter avec Kyoshi qu'avec ta sœur? Oui, je vous avais dit. En fait, elle a pas le permis du coup. Tu te méfies? Bah Kyoshi aussi a peut-être pas le permis. Hein. Je demande s'il a le permis. Non, il a pas le permis. Non. Beg your pardon, did not understand your question. Could you repeat, please? Il a pas compris. Tu peux demander s'il a le permis. Do you have a vroom vroom permis? on en parle que je suis censée pour savoir parler anglais. Your vroom vroom. Permis, carte. Carte. Non mais... I know how to drive. Yeah. Je suis sûre il a pas compris à son avis. Je crois qu'on va lui demander, est-ce que vous avez des cartes Pokémon? Non, est-ce que tu as une carte routière? Une carte... À mon avis, c'était... Non, même pas. Attends, un ex-drive, il a peut-être compris la question. Papers for... driving license. Yeah. I used to. Peut-être, quoi? Il a je dit quoi? Je suis censé en avoir... Never mind. Alors, moi je suis derrière lui donc. Moi je suis derrière, bien sûr, je fais. Et il vous laisse. Elle était prête? Ouais, du coup voilà, démerdez-vous, moi je suis pareil. Dans un sillon de. Frérot, t'es dans prêt? Un sillon de son pot d'échappement et une tiens protection. Tiens-toi, bro, vas-y. On va faire des roues et tout, tu vas voir. Non! Et, pas les roues! Effectivement, malgré la sente relativement étroite, les. Les motos adhèrent bien. De fait, il y a assez peu de passages. C'est bizarre, personne n'a pas trop d'embûches et tu arrives rapidement à la roue de Kyoshi qui conduit. Je me débrouille bien. Qui conduit un peu pépère devant, mais moi, en regardant attentivement autour. Moi, je suis à fond. Et en fait, il a suivi la rive et oui. Vous me. Oh non, je vais avoir un accident. Je vais lui rentrer dans un fou. Non, tu vas foncer dans l'air, tu vas faire. Alors, on avait dit qu'on jouait pas. On avait dit qu'on était, on jouait pas en. Cramé, là, tu m'aides pas. En transparence. Et là, t'étais comme ça. Tu parles. Maintenant, t'es mort. Et alors? Ah, mais on va se prendre Kyoshi dans la tête, il va piler, je vais faire. C'est toi qui risques de piler. Oui, c'est plus moi, mais il y aura moins de danger, c'est qui? Alors, j'avoue, quand tu lui demandes est-ce que t'as le permis et qu'il te répond, je suis censé avoir eu des cours. Comment dire? Mais de toute manière, il y a un phénomène étrange alors que. J'ai regardé des pubs de moto. Alors que vous entendez essentiellement vrombir. Les moteurs de ces petites motos que vous avez lancées sur la voie de halage qui longe la rivière. Vous avancez dans le sillage de Kyoshi sans trop savoir où vous vous rendez de fait. Mais qui n'avait pas le permis, juste le permis. Peut-être que c'est pas moi qui conduis. En tout cas, tu pilotes, mais tu pilotes de façon un petit peu absente. Tu regardes. Je vais prendre un arbre. Tu prêtes attention au paysage, à la route. pour guider ton pilotage, mais t'as pas besoin de plus d'attention, quoi. De plus d'attention, c'est ce ouais, sont. J'ai fait ça toute ma vie. Effectivement, tu as cette sensation d'avoir, tu as cette moto en main, tu la connais, tu sais quand le moteur a quelques soucis, tu anticipes sur les changements de régime, comme si tu avais conduit de longue date cette moto. Comme si elle t'avait conduit de fait de Vilma ici. Tant mieux. Moins de danger. Hein, tu me fais confiance maintenant? Ouais. Ok. Et là, on se prend un arbre. Et tu notes que... Tu notes que sur la berge, l'eau a tellement monté. Non. Qu'une partie de la berge est détrempée et que... la voie de halage un peu plus loin se perd à demi dans l'eau. Oula. Kyoshi freine, tu avais anticipé, donc tu freines sans à-coup. En revanche, tu freines sur le côté et sportivement pour t'arrêter juste derrière. Vous êtes à l'orée d'un bois sombre des pixias dans lequel s'engage la voie. Elle semble bifurquer, quitter sa destination de halage pour s'écarter après cette trouée et s'enfoncer dans la forêt elle-même. Qui est une sombre forêt de pins. Vous avez quitté la forêt de bouleaux que vous longiez pour maintenant rentrer dans une forêt de pins qui s'enfonce au sein des escarpements qui dominent la rivière. Et là, l'eau, à l'endroit où vous êtes arrêté, l'eau a complètement noyé la route. Vous avancez au pas pour dépasser cette zone où l'eau turbide et où le courant tire un peu sur les roues. Tu dois donner des gaz pour arracher les roues de la moto à la boue. Ah, j'ai cru arracher les roues de la moto. Et je me dis, oulala. Yoriscar, tu entends le grondement de l'eau qui... au loin, enfouit. C'est un grondement d'eau comme lorsque régulièrement on vérifie l'état du barrage à hauteur des chutes de Modos. À ce moment-là, on entend l'affluent de l'Ogevan enflé en puissance dans la ville. On sent les eaux monter quand ils lâchent les eaux du barrage. Régulièrement, c'est fait à la fois pour l'entretien et puis au mois de juillet, on lâche les eaux pour que justement la visite que vous aviez entreprise se fasse. Mais ça, c'est le 19, on a lâché déjà les eaux. Ce qui est curieux, c'est que les eaux montent maintenant. Dans l'enchaînement logique, pour toi, c'est 2 jours auparavant, on a lâché les eaux, ce qui autorisait ou légitimait la visite, puisque on fait la visite du parc lorsque les eaux sont en plus haut et qu'on peut à nouveau contempler les chutes telles qu'elles étaient avant la création du parc naturel. Et le reste du temps, les eaux sont retenues pour faire fonctionner l'usine d'électricité de la retenue d'eau une dizaine de kilomètres. Ils devaient vraiment être fiers de leur parc s'ils en sont au point de sacrifier de la production électrique pour... Sachant que un barrage, la production électrique, c'est conséquent. Bon, c'est pas continuel. Enfin, si tu peux, mais y a une visite par an, et votre visite, ce que vous avez eu comme billet, ce que vous avez acheté, c'est justement une visite du parc en eau. Et il est mis en eau que l'espace de... La visite. De deux séries de visites de 6 jours. Mais ce qui est logique, par rapport à ce que je viens d'évoquer, c'est que le parc, justement, a été mis en eau aux alentours du 13 ou 14, vous êtes plus sûr, mais vous êtes arrivé, vous avez commencé votre visite le 19, après avoir rendu visite à la pharmacie, etc. Mais lorsque vous avez commencé votre randonnée, le roller machin, lorsque vous l'avez entamé, le parc était en eau et les eaux lâchées. Ce qui est logique, c'est de voir les eaux monter. Normalement, vous auriez dû trouver cette partie de la berge inondée. C'est bizarre. Les eaux n'ont pas été lâchées comme prévu. Et ça veut dire que cette zone du parc va être inondée sous les eaux d'ici... Combien de temps? 10 minutes. Oui, c'est ce que je fais. Moi, je prends mon truc. Tu transmets, je suppose, l'information à toute la petite famille. Il est où? Moi, tombé par terre. Non, c'est. Oui, je sais. Je vais risquer. Où est-ce qu'il est mon truc? Oui, je sais pas. Il est en train de tirer. Alors, la question, c'est, on peut la transmettre en anglais? Hello, ici. Tu traduis, je suppose. My name is 20 o'clock. Oui, je traduis. Ok, du coup, je répète bêtement ce qu'il dit avec mon accent francophone dégueulasse. Oui. En espérant qu'ils comprennent au moins un tiers de ce que je raconte. 20 o'clock is. Non. Non, fuite, ça va être submergé. C'est passé, bah, nous, bistre. Répond. Run, non, roule. Run, mais. C'est passé, bah, nous, bistre. Oh my god, parle oh, russe. Répond. Immédiatement, Kiyoshi. D'accord, je répète. Donc en russe. Russia. Russia. Russia today. Я говорю по-русски. Ну, паши. Russian. Oui, bah oui, je parle russe. Allons. Attends, tu parles français aussi? Tu parles français aussi? Et toi, tu te retrouves contre lui. Mais là, moi, pressé par la vitesse. Non, t'as dit que tu montais pas avec ta sœur. T'as abandonné la chambre de ta sœur. De là, moi, je vais voir, du coup. Moi, je fais. Et tu les vois, tu vois la moto. Ok, moi, je suis avec le pire. Et avant, j'avais fait au revoir. Et tu le dépasses dans le virage. Oui. Tu mets les gaz à fond. Je vais glisser. Mais vous voyez, effectivement, dans votre sillage, vous voyez que les eaux sont en train de monter. Et vous voyez au loin le rouleau d'eau qui arrive, qui est en train de dévaler la pente. La vallée et remonter. On est pris en sandwich. Et vous êtes en train de gravir la pente extrêmement raide qui mène jusqu'au canyon d'où on doit contempler la chute et où s'arrête. L'eau. On est attaqué en sandwich. Absolument avant que les eaux ne parviennent jusqu'à vous. On tourne. On est attaqué en sandwich. 36 secondes. 36, c'est très précis. Quoi? Donc là, on va quand même déterminer dans quelle mesure. Oh non. Tu es doué avec ta moto. Mais si. Je... Donc. Qu'as-tu pour toi? Tu vas être pris en sandwich, je dis rien. Genre. Donc, ton corps, enfin, ce que tu es. Donc, t'as un premier D10. Bah, je suis un humain. Et là, c'est donc l'agilité. Tu dois donc obtenir 5. Tu as un dé. Et. Je tire comme un pied avec les dés. Et tu as la possibilité d'avoir un dé supplémentaire. Si. Je l'ai raté. Si tu écoutes les voix qui résonnent dans ta tête, qui parlent russe, etc. Ouais, je vais péter un câble. Ils veulent tous que je pète un câble. Le fais-tu? Et écoutes-tu les voix qui semblent surgir d'un passé qui est peut-être un futur? J'ai j'ai pas le choix. Ok. Pète un câble, pète un câble. Donc, pète non, un le premier pour le corps. 4, allez. Non. Donc, pour l'instant, t'as pas de réussite. 7. Ouais. Et donc, tu as une réussite, donc c'est une réussite mitigée. T'as un problème, je pense que tu vois. Mais quoi, c'est bon. Ta voiture, elle va faire boum. Tu veux donc, conduire à ma place. Ouais. Tu pilotes la moto. Non, mais moi, je suis en train de te faire. De loin, quand et tu vois quand tu démarré, tes mains se crisper de haine, hein, d'angoisse sur la manette, sur les deux poignets. Arrêtez. La poignée des gaz est à fond, tu sens le moteur qui peine, la mission est trop forte, la pente... Ok, faut que j'arrête. Tu décélères, accélères... Il va péter le moteur. Bah non, mais à force... Non, mais dans les virages qui épousent la pente pour arriver jusqu'au sommet, tu fais plusieurs embardées qui manquent... de te faire de voir la moto se coucher. Elle se couche à demi, tu la redresses avec peine avec ton passager. Merci, hein, j'ai pas de force. On en parle. Et vous contrebalancez le poids à vous deux du véhicule. Kyoshi a tout autant de difficultés à progresser sur le chemin sinueux qui mène au sommet. J'en pleure en train de faire au revoir à ma sœur. Et vous arrivez alors que vous entendez le vacarme de l'eau qui monte et qui poursuit sa course jusqu'à vous et qui vient lécher jusqu'aux roues arrière. Et vous arrivez et vous voterez avec vos véhicules. Alors que on va se noyer. La dernière vague vient les lécher et vous sentez celle-ci vous recouvrir, chargée de brindilles de. Est-ce qu'il y a moins notre tête qui dépasse? Oui. Ah, goulou, goulou. Vous êtes simplement dans la boue, arrivé au sommet, là où enfin l'eau semble cesser de monter. Les motos admis noyées dans la flotte. Tu fais peur. C'est pas bien de faire des screamers. Vous êtes... Il est grave. Épuisé par l'effort de vous maintenir en selle durant toute la montée. Pour ta part, tétanisé par la tension que tu as imprimée sur... Mais... sur ses poignets. Je préfère mourir qu'avoir peur. Le moteur a octé et maintenant l'eau vient lécher le radiateur de la moto. De l'aquamoto. Voilà. Et le moteur s'est tu. Vous êtes maintenant tous les cinq frileusement à marcher interdit, à contempler l'étendue d'eau qui a monté jusqu'au haut de la pente, qui est venue déborder de son lit initial pour remplir le réservoir. Que fais-tu ? Alors, que faites-vous ? Vous êtes d'une part fatigué, rincé par l'effort et quand même une certaine frayeur qui vous a étreint le temps de cette montée. L'idée de se retrouver mêlé aux eaux... Je dors, je fais ma sieste. ...était plutôt une chose effrayante. Que faites-vous ? Vous... On peut pas trop rien faire en fait. Prendre un peu de repos, manger un morceau. Mais on est dans l'eau. Vous pouvez aller. Je dors. Il y a vos motos, elles sont dans 30 ou 40 cm d'eau, donc vous pouvez aller voir ce qu'il y a dans les sacoches de sel. Donc là, il y a Vous y trouvez des sacs de couchage complètement détrempés. Et vous trouvez également des rations dans des petites boîtes. Dans chacune des motos, il y a une boîte métallique avec à l'intérieur le matériel fourni par l'armée russe avec les logos de celle-ci. Et donc, vous y trouvez un couteau, des montables, des couverts, des pochettes lyophilisées. C'est quoi des pochettes lyophilisées, j'en doute. Des sachets de thermoformés qui contiennent à l'intérieur des paillettes qu'il faut réhydrater. Oui, comme des nouilles instantanées, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, J'en ai un. Vous avez un couteau démontable. Le mode d'emploi est en russe. Bah, faut demander à... Bah, Yoris, Karl et tout à chacun, vous parlez russe. Et mais aussi... On parle tous russe, quoi. Oui. Il s'est passé quoi dans notre tête, en fait, entre deux? On a mangé des champignons hallucinogènes, voilà. Allez, mental. Quoi? Bah, je vous ai répondu. Ok. Palais mental. D'accord. C'est quoi palais mental? Dans Doctor Who, quand il t'as une grosse ellipse narrative et que pendant environ 3 secondes, il se passe 25 minutes dans l'épisode parce qu'on est en tête du docteur. C'est un palais mental. Parce que, en fait, il se projette mentalement, donc il réfléchit beaucoup plus vite que la normale, ce qui souvent t'épuise, et c'est ce qu'on appelle un palais mental. D'accord. Je me trompe dans la définition ou c'est bon? Non, tu t'es pas trompé dans la définition. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible de faire ça dans la réalité? Bah, en période de stress, oui, tu réfléchis plus vite que la normale, mais à moins long terme. Bon, bref, on n'est pas là pour discuter de est-ce que c'est possible, on est juste là pour jouer. Moi, je propose à... je demande donc à... vous restaurer, parce qu'en fait, vous n'avez pas mangé depuis la veille au soir. Donc, vous n'avez pas d'eau, en revanche. Bah, on a de l'eau juste à côté. Moi, je m'en fiche, si elle est sale ou pas, je bois dedans. En revanche, il y a un produit à répandre dans de l'eau pour la rendre potable. Ah oui, le... Oh, putain, quel cauchemar. Mais oui, il y a ça. Il y en a dans les motos ou pas? Oui, oui, dans la petite boîte. L'une des... Vous avez deux boîtes. J'ai pas confiance en ce totalement... S'il faut avoir confiance, je préfère mourir. Mignon, faut pas mourir. Dedans, t'as une... Il faut boire de l'eau, il faut loger, et il faut dormir. Un vieil article de magazine, où les mots, certains mots sont soulignés. Mathieu, cet article t'interpelle parce qu'il a été plié soigneusement. Alors... Il est en partie. Il y a des endroits où l'eau a fait son effet, mais ce qui te surprend, c'est que c'est une traduction en français. Oui. Donc, et sont soulignées les mentions de Tchernobyl et le nom du champignon, le nom scientifique du champignon. Et ça fait écho à ta lecture des PDF que tu avais téléchargé avec tous les liens dynamiques. Ouais. Tu te souviens? Quelle horreur. T'as toujours ton téléphone. Tu avais lu, et ce que tu avais lu, c'est que, de fait, la préparation autour du Codiv 19 était pour le moins un ratage. Un ratage. Et que... En tout cas, du point de vue du laboratoire pour lequel tu bosses, qui est une filiale d'OCP, avec des intérêts de Boiron, d'autres laboratoires, donc dans ton labo, l'idée dominante, c'est de se dire qu'on n'a absolument pas suffisamment de culture à l'heure actuelle, contrairement à... Je te souviens d'un vieil article qui était paru en février... 1917. En février de cette même année, autour de l'épidémie du coronavirus, de la pandémie. Oui. Et des injonctions faites par le gouvernement français qui t'ont paru, qui était un des documents liés et qui était justement l'engagement auquel se sentait astreint le labo par contrat avec l'État. Le Covid-19, c'est un engagement fort, et donc tu te souviens très nettement des affirmations de cet article de février, que toutes les personnes qui étaient sorties de la zone de quarantaine étaient sorties sans être porteuses du virus, qu'il suffisait pour celles qui étaient en contact d'une quarantaine de 14 jours et d'éviter le contact avec des personnes surveillez votre température 2 fois par jour. Surveillez l'apparition de symptômes d'infection respiratoire. Toux, difficulté à respirer. Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d'une autre personne et lorsque vous devez sortir. Lavez-vous les mains régulièrement, utilisez une solution hydroalcoolique. Moi, j'arrive vraiment pas. Rapproche-toi. Évitez toute sortie non indispensable, grand rassemblement, restaurant, sinon. Travailleurs étudiants, dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches. Réunion, ascenseur, cantine. Les enfants, collégiens, lycéens, ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école ou au collège ou au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée. Ça va, j'y ai pas été. Ah si. Évitez tout contact rapproché avec des personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës. Mettre en alerte le système de santé, agence régionale de santé, agence nationale de sécurité sanitaire. Tu te souviens de tout ce dispositif qui te semblait à tout le moins optimiste et en même temps qui diffusait un message serein à la population. Et... en même temps, tu es en contact avec Kiyoshi depuis plusieurs jours. Tu es convaincu qu'il a contracté le Covid-19 et qu'on vous a insufflé quelque chose, probablement l'une des souches développées, soit que vous soyez... Je respire pas le machin. des personnes exposées à la mesure. Ça va, tu respires ? À la mesure de protection générale destinée au personnel médical. Mais ce dont tu doutes, parce que pourquoi réunir des gens infectés et des personnes non infectées ? Peut-être pour justement tester l'efficacité de. Ce dont dispose effectivement la recherche à l'heure actuelle. Donc on est des rats de labo sous prétexte de faire des recherches. Oh mon dieu, il y a un monstre. Ah bah non, c'est... Ce que tu t'expliques pas dans le tableau, c'est la présence de l'Ossète et du Tchétchène, de Déorussia. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Ils devaient être plus au courant que moi, ils devaient être chargés soit d'empêcher le test, soit de récupérer les échantillons de test. Pourquoi? On verra bien, mais... Peut-être pour embêter le monde. Si on pouvait résumer tout par embêter le monde. Tu te souviens que... Ce à quoi... Te souviens-tu de ce que tu as pensé lorsque tu avais le sentiment d'être Vladimir? Qu'est-ce qui le rassurait? Qu'est-ce qui, en fin de course, viendrait... Qu'est-ce qu'a dit Alyosha lorsque, dans un dernier souffle, il s'est adressé à vous? Il a dit... Non, ça c'était l'autre qui nous avait dit. Ah. Alyosha. Ah! Oh, oh, oh, oh! Ah, je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'était la sentinelle? Bah, je crois que c'est la le loup. Non, je sais. Il disait, en fin de course, ce que pensait Vladimir, c'est qu'il y avait l'espèce de dégénéré qui avait été exposé à une souche bactérienne, le mutant, sentinelle. Il y a quelque chose de pas très net dans la forêt. Ok. Pas de problème. Moi, je suis collé à les slips de tremblant de peur. Oh. Et glacé. J'ai froid. J'ai chaud, j'ai pas peur. Alors, quand t'étais enfant, de quoi avais-tu peur? Des monstres. Non, j'avais peur des aubergines. T'avais peur des aubergines. De quel monstre tu avais peur? Qu'est-ce qui te faisait peur quand on te racontait des histoires? Qu'une aubergine. Que mon papa se transforme en aubergine. Mais c'est quoi le monstre que t'avais peur déjà que tu venais dans ma chambre? Bah, c'était l'aubergine qui est en trophée de mon papa. Qu'est-ce qui se passe? Non, de quoi on menace les enfants désobéissants? Du Yeti. Non, croque-mitaine. Non. Du croque-mitaine? Non. Si on respecte pas les règles, qu'est-ce qui va se... Il va venir te gérer! Et qui va venir te chercher? Un monstre, un truc dans le genre. Moi, j'y ai pas trop cru, hein, parce que je faisais plein de bêtises quand j'étais petite. Tu n'y as pas trop... Rien ni personne n'a été me chercher. Je suis tellement tremblant de peur que je peux même pas dire le mot. Putain, j'ai plus... Comment il s'appelait, ce monstre? Le bisounours. Le Demogorgon. Pas du tout. C'est la maîtresse d'école. c'était mon professeur. Il était trop méchant. Et comment il s'appelait ton professeur? Baldi. Baldi. Hans Baldi. Hans Trapp Baldi. Il était chauve. Non, c'était Hans. Et c'était Baldi Hans. Il avait toujours un couteau et ça faisait peur. Ouais. Il prenait sa règle, il faisait ça. Et il t'a tapé sur les doigts. Son couteau règle, et qu'est-ce qu'il fait? C'est qui lui? Un jour, il avait pas comment, son couteau. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Le... Le tapeur. Non, le tapeur. On l'appelle le... Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, te disait maman Odette, le... Père fouettard. Ah oui, c'est vrai. Le père fouettard. Le plus fouettard. Quand il a peur, il fait une voix d'enfant. Et toi, c'est... Il a perdu sa vie. Ce dont tu te souviens quand on parle de père fouettard, c'est... C'est le père fouettard. De ton instituteur, Hans... Baldi. Hans Baldi. Oui. Ah bon? Ah bon? C'était le frère du Père Noël. Et oui, à quoi il ressemblait, Hans Baldi? Il était chauve, il avait juste une mèche orange sous la tête. Une mèche de cheveux roux isolée? Non, une mèche en l'air tout au wunsch, tout au petit. Il avait tout le temps du gel, je m'en souviens. C'était le seul professeur où il fallait pas qu'il aille dans sa classe. J'ai eu de la chance, mais lui pas. J'ai pas eu de chance. C'était un professeur de mathématiques. On utilisait à un moment, il m'a dit 1 plus 1. J'ai dit 2. Et ensuite, il m'a dit c'est faux. Il m'a couru après dans toute la cour de récré. C'est quoi ce bazar? C'est toi le bazar. Mais c'est pas vrai. J'avais une bonne note pour une fois. Je l'ai vu dans les couloirs. Il m'a dit 36 000 fois boubouboubouboubou égale. Je suis partie. J'ai dit ok. Actuellement, l'OMS recommande d'interrompre les voyages commerciaux. Quoi? Ok, point, point, point. Est égal point, point, point, point, point, point, point, point, point. Point carré, carré, ré, ré, point carré, point com, ré, ré, ré, point com, point com, point fr. Et donc tu te réfugies frileusement dans le giron de ta sœur? Oui, oui. Parce que tu repenses à cet étrange professeur de mathématiques? Bah oui. Je suis nulle en maths, je vais pas pouvoir te protéger. Vous mangez... vous avez sorti... Tout le matériel que dont vous pouviez avoir l'usage, des sacoches de sel, des deux motos. Et vous restaurez, partagez les rations, la viande séchée en boîte, la viande de singe. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les vieux films. C'est comme ça que les appelaient les poilus. Les poilus. Parce que en fait, quand on monte, c'était c'est de la nourriture en conserve qu'on leur donnait. Quand ils montaient au front, c'est tout ce qu'ils avaient comme nourriture. Et on leur donnait ça. C'est surtout apparu pendant la bataille de Verdun. On se souvient de ces cours d'histoire. Oui. Pas moi, parce que j'en suis pas encore là. Quoi? Oui. T'es en? Je suis en cinquième. Ben, on en fait des cours d'histoire en cinquième. Ouais, mais je suis pas encore à la guerre mondiale, on m'a dit c'est en troisième. Ouais, c'est pas bon. Ouais, mais normalement, je l'ai déjà vu en primaire. Ouais, mais un tout petit peu, on n'a pas tout vu. Lui, c'est à la carte, il est en cours Freinet. L'histoire, ça a pas l'air d'être sa priorité jusqu'à présent. Oui, moi je suis plus dessin. Dessin, dessin, dessin, dessin, dessin. Oui. Et ça te manque pas de ne pas avoir de quoi dessiner là? Si, j'ai mes affaires du dessin. Ouais, mais ils sont trempés. Mais c'est pas grave. Alors, comment te dire si? Le seul papier qui a échappé au marasme, c'est étrangement la feuille, le feuillet dessus. Du extrait du Daily Mail d'un journal français qui reprenait la découverte faite en matière de... Quoi, quand de... Quoi, en matière de donc de lutte contre la radioactivité. La radioactivité et les rayonnements. Une histoire de champignons. On a mangé des champignons ou pas? Oui. Il y avait des champignons déshydratés au repas. Et d'ailleurs, on est encore en emballage ou pas? Oui. C'est quoi le nom de l'espèce? C'est... Moi j'en ai pas mangé, hein. Je m'en souviens plus en tout cas. Les champignons. Moi, j'en ai pas mangé. Champignons. C'est peut-être qui s'est transformé en radioactif. Un champignon hallucinogène. Cryptococcus neoformans. Todd, pourquoi okay, Todd il est multicolore en train de bouger partout? What? Mais qu'est-ce qui lui arrive à Todd? Il a mangé une étoile. Arrête de parler. Ça confirme le fait qu'on sort de Kobay. Regarde Todd. Ouais, sur tu t'éloignes de moi. Regarde sur mon jeu vidéo, Todd il est en train de bouger partout avec une étoile. Ça suffit avec ton accent à la con. Oh, mais c'était juste pour rigoler. Chut. Arrête, il va te tuer avec un crayon. Ça fait très peur. Ça fait peur. Ça suffit. Donc, tu contemples Tu n'es pas mon frère. Si, je suis ton frère. Oscar. À ton grand déplaisir, ton sac a été complètement détrempé. Je râle, mais je suis pas du tout contente. Ton carnet de croquis a été détrempé, il va falloir le faire sécher. Et en l'état, tu ne peux plus utiliser le papier, il faut vraiment qu'il sèche. Oh non. Tu le mets à sécher... Tout ça là. Sur une branche. J'avais pris des heures pour faire ces dessins. Tout ça l'a pris. Tu le mets à sécher sur les branches. Vous vous accotez pour finir votre repas. Et prenez-vous des dispositions particulières. Je prends pas de champignons, moi. Je vous force à prendre des champignons. Moi, je mange pas de champignons. Je mange rien. Non, je mange rien. Je préfère manger de l'herbe. Je veux pas devenir comme Toad. Tu as vraiment faim. Xavier, cet accent. Tu peux manger délaisser les champignons si. Je vais chasser. Si tu veux passer outre. Tu décides d'aller chasser dans la forêt. Je leur explique que les champignons sont censés être utilisés comme médoc contre les maladies ou les troubles dus aux radiations. Car les champignons absorbent des radiations. Donc, bouffez ces champignons. Non. Mais s'ils absorbent la radiation, et qu'ils ont été à la radiation, ça veut dire qu'on va manger de la radiation. On bouffe déjà actuellement. Tu bouffes déjà des radiations, donc bouffe ça. Ce sera toujours mieux que rien. Non, je mange pas ça. D'accord, j'ai fait bouffer de la radiation. J'ai mangé les dessins de mon frère. Moi, j'ai besoin de savoir si vous dérobez à l'injonction d'Adrien ou si vous cédez et dans quelle mesure celui-ci, en tant que vous mangiez effectivement une partie de la ration, vous avez... Avant de les bouffer... Il y a écrit quoi d'autre sur le sachet? Il y a juste écrit le nom du champi? Oui. Champi meurt. Effectivement, ils sont déshydratés, donc c'est vraiment une culture qui a été faite dans son coin. Je peux regarder à quoi ressemblent les champignons pour savoir si j'en sais autre chose avant de bouffer. Il y a une autre espèce de la pleurote grise. Ok, c'est quoi sur la pleurote grise? Non, pas la pleurote grise, non. La pleurote grise, ça, c'est... Actuellement, l'hypothèse qui est servie, c'est que à terme, ça remplacera la viande dans l'alimentation humaine. Même apport en protéines, mais sous forme de protéines fongiques, donc facilement cultivables. Ouais. En gros, au lieu d'utiliser du blé à plus savoir quoi en foutre pour nourrir des vaches, on fera une culture de champignons, ça fera la même chose. Exactement. Ça n'a pas le même goût, donc pour les puristes, on lèvera toujours des... Des cochonneries, mais... Tu as lu des papiers, d'après l'Institut Max Planck, c'est le substitut idéal. Il y a des recherches qui sont actuellement menées sur le développement de viande synthétique. Oui. Mais l'hypothèse est que, dans le meilleur des cas, on arrivera à une culture à grande échelle dans 15 ou 20 ans. Oui, à l'échelon mondial. De steak synthétique, pour caricaturer. Voilà. Alors qu'avec la fongie, on pourra l'adapter au marteau. Alors que pour le développement en masse de ces fungi et avoir un outil de production en état de marche, la projection, c'est d'ici à 5 ans. Oui, donc c'est favorisé. Du coup, je peux pas faire un... Enfin, je peux pas lancer un jet pour... C'est pas ton sujet de, oui, de non, mais prédilection, c'est... Pour ça. Ouais. Je peux lancer un jet ou équivalent pour savoir si je sais si ces champignons ont été déjà soumis à de la radiation ou non. Parce que c'est des échantillons sains, ça peut en avoir un intérêt de les bouffer. Mais s'ils ont déjà été, pour caricaturer, prélevés au cœur de Fukushima, ça veut dire qu'on bouffe de radiation, quoi. C'est ce que j'ai vous si dit. Non, mais tu permets. T'es lourd. Alors, pour le déterminer, tu pourrais le déterminer qu'en ayant la GGR. Provenance ou un compteur GGR. Générique. Ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, enfin, c'est curieux, t'en as trouvé un dans la sacoche. D'accord, je passe les champignons au compteur GGR. Mais avant, il faudrait le faire sécher. D'accord, bon, avant de qu'on bouffe les champignons, on attend qu'ils sèchent pour le passer au compteur GGR, et comme ça je pourrais vous rassurer quant à la provenance des champignons. Je préfère manger de l'humain. Et par contre, je dis pour les autres champignons, vous pouvez y aller, hein. Eux, il n'y a pas de risque. Non, mais c'est Bekir qui fait ça, c'est ils pas sont toi. Mêlés dans ouais, la préparation. D'accord. C'est une préparation mêle. Les deux de la pleurote. Transforme-toi. Y a, et le cryptococcus. Cryptococcus qui a un apport à. Ça marche pas. 50-50. Donc, comment entreprends-tu de sécher le compteur Gégère? Avec quels moyens? J'imagine que s'il y a un sèche-cheveux, il a grillé. Il n'y a pas de sèche-cheveux dans le. Il n'y avait pas de sèche-cheveux dans la sacoche. On est d'accord que les motos, du coup, elles sont chaudes? Elles sont. Elles trempent dans la rivière, donc. D'accord. Vous avez une idée de comment réchauffer un de sécher un appareil? Parce qu'à part entouré de linge, je vois pas trop. On va pas faire du feu. Mais ouais, on n'a pas le droit de faire du feu. Mais qu'est-ce que tu avais évoqué, Yoris Karl, la dernière fois? Ah non, c'est pas Yoris Karl, c'est toi-même, Adrien, qui avait parlé de l'histoire de la légende du riz sur le téléphone portable. Et est-ce qu'on a du riz? Il n'y a pas de riz. En revanche, qu'est-ce que vous avez autour de vous qui ne manque pas De l'eau. Abrité. Oui, il y a de l'eau. Mais vous êtes abrité sous des arbres. Des épicéas. Des épines de pain, oui. Et ça, c'est... si vous l'ensevelissez sous les épines de pain... Moi dans le... Toi? Non, peut-être pas. Parce que tu sécheras pas tout de suite. Mais peut-être qu'en mettant simplement dans la terre qui est relativement sèche à cet endroit qui se gorge, donc en étant suffisamment éloigné de la nouvelle rive, pas la zone du bassin versant, vous pourriez sécher assez rapidement l'appareil. Est-ce que tu tentes le coup? Oui, ça coûte rien d'essayer. Donc tu le places dans la terre, vous différez votre repas de champignons et vous contentez de l'autre aspect de la ration, la viande séchée. Ça dépend, vous faites confiance aux personnes de Confédération? Parce que vous mangez tout, sinon vous mangez que les poireaux, c'est ça? Pleurotes. Mais les pleurotes grises sont mêlées au... Donc il faut attendre que, puisque tu as suspendu la consommation, au fait que tu puisses les tester au compteur. C'est que vous préférez, si vous avez vraiment trop faim, vous mangez... Vous pouvez manger des faim, oui, donc, pleurotes. Manger... Sinon, si vous avez confiance... Mathieu. Quoi? La préparation de champignons comprend à la fois les pleurotes oui, mais... et... Je veux dire, la préparation, elle est pas complètement uniforme, c'est pas de la purée. Si. Bah si vous êtes trop fort, vous bouffez, sinon vous attendez le compteur GGR. Enfin. Voilà, c'est ce sur quoi j'insiste, c'est un mélange de champignons. Tu m'as demandé s'il y avait une autre, un autre champignon qui était identifié sur, la languette de provenance. Et oui, effectivement, il y en a un autre, la pleurote, qui est conclu, mais le champignon, dont il est question, ou le champignon qui t'a interpellé, c'est bien celui qui est évoqué dans l'article. Et, une fois que vous mangez de la vue, vous cédez à votre faim, vous n'attendez pas, vous attendez moi pour j'attends. Les champignons. T'attends pour j'ai les champignons. J'ai quoi si fort que ça. Tu luttes contre la faim. Je précise pour que vous mesuriez l'enjeu, c'est ceux qui ont perdu de la résistance, notamment Oscar, ça traduit la faim, la fatigue, etc. Donc tu es à la fois fatigué, affamé. Et tu as tu as très mal à ta mâchoire. Bah ça va, la purée, ça fait pas trop mal. Mais dans ce cas-là, il faut consommer les champignons. Tu les consommes sans retenue. Oui, tellement ma faim est grande. D'accord. Donc tu n'attends pas que tu vas mourir. Que l'appareil est séché. Tu adieu, te... mon frère. Moi aussi. Au revoir. Manger. Vous mangez donc tous les deux des... Non, moi je mange pas. Tu manges pas? Moi je dis juste au revoir. D'accord. Et toi, Yoris Karl, qu'en est-il? J'attends que le compteur soit séché. En gros, t'es le seul à manger, quoi. Non, mais venez avec moi, c'est pas drôle. Kiyoshi mange des champignons avec toi, sans plus attendre, et mange de la viande de singe. De la même façon, il découpe des lanières avec ta dague. Et n'utilise pas les couteaux démontables qui étaient dans la boîte. Une fois que vous avez mangé tous les deux, il s'installe sous un pin et puis t'invite à t'adosser à lui. Et vous installez comme ça et assez vite vous endormez. Et moi, avant de m'endormir, je l'appelle Leslie. Pour ? On le sait pas, vous, mais je suis endormie. Mais tu t'endors en sursaut tellement tu es épuisée. Ouais, bon. Je vais le tuer pendant son sommeil. Et donc vous passez un moment comme ça. Le temps. C'est à moi en fait. C'est à moi dans la porte. C'est cool, de même que les nuages et. Que le souffle des arbres, le souffle du vent dans les arbres, pardon. C'est la photo de l'article. De la purée ? C'est ce qu'il y a dans votre purée, vous. Mais non, c'est au microscope. Ah. Attends. C'est normal qu'elle soit rose, hein, vu qu'il y a des colorants hein, au microscope. On met des colorants dans le microscope. On va voir. S'est assombri. Pour ceux qui n'ont pas rejoint Kiyoshi directement, Kiyoshi et Oscar dans leur sommeil, vous sentez quand même peser la tension sur vous et c'est un moment de repos, un temps calme où sur vous glisse et le vent et vous semblez comme oublier ce qui vient d'advenir. Oublier la précipitation de cette folle journée, de cette folle nuit, des événements qui se sont enchaînés. Le temps passe et graduellement le ciel s'obscurcit, les troncs semblent noircir à mesure que la luminosité diminue. Le souffle des deux dormeurs est régulier et vous contamine peu à peu ce temps calme et comme une bénédiction, vous venez les uns et les autres vous endormir à demi, à naviguer entre le sommeil et l'éveil. Yoris Karl, tu avises tu ne t'es pas adossé à l'un des pins. Les aiguilles sont raides sous les fesses ou peu agréables. Tu t'es adossé à un bouleau et au bout d'un moment, tu te rends compte sur la branche face à toi, qui te la branche naissante qui est à hauteur de tes yeux, qu'il y a comme une chenille ou un cocon. Mais c'est un détail qui te semble insignifiant ou anecdotique. Qu'est-ce que c'est ce petit cette petite manifestation de nature au cœur d'un parc naturel que tu n'as jamais parcouru, en somme, vraiment, en tout cas en son cœur. Et ton regard passe dessus presque indifférent, puis se reporte vers cet objet aperçu presque fugitivement pour y revenir, et ce n'est pas un cocon, ce n'est pas non plus ce n'est pas un champignon. Cela luit faiblement, c'est presque liquide comme une mélasse, comme une coulée de sève, mais une coulée de sève sur une branche vive n'a pas de sens. Pas à cet endroit du tronc. C'est un amas gélatineux, jaunâtre. Non, ce n'est pas jaunâtre, c'est ambré. Ouais, c'est le terme comme ces perles d'ambre qui autrefois ont fait la richesse des royaumes d'Hyperborée, qui dès l'Antiquité ont établi un pont entre le Grand Nord, là où vous vous tenez, et la Méditerranée. Je ne saurais. Et ça n'a... L'ambre, c'est figé, c'est un fossile. Qu'est-ce que ferait un fossile dégoulinant sur une branche ? Ça a l'aspect de l'ambre, la couleur... En focalisant ton attention dessus, tu pourrais dire presque l'odeur, parce que ça dégage une odeur étrange, que ces pierres qui n'en sont pas. Il y a presque cette odeur, mais ça n'en est pas non plus. Enfin, c'est sûr, ça n'en est pas. C'est une espèce de gélatine comme ce que sécrètent certains champignons au moment de leur floraison, une matière lactescente qui recouvre le chapeau du champignon. Et il y a deux mâches gélatineuses comme ça sur la branche. Je ne saurais rien que dire, c'est peut-être une manifestation de mal pour certains, mais à part ça... Tu n'attires pas l'attention de quiconque dessus. Si, je le montre à Adrien. Adrien. Donc ça, il était dans ton rapport. Et c'était spécifique. Il y avait tout un article dessus que tu as eu vraiment du mal à lire parce que ça sortait un peu de ton domaine de recherche pure. Mais... d'évidence, c'est l'une des pistes qui a été suivie. C'est un organisme un peu comme les blobs et qui est en lien direct avec la branche féconde de recherche qui a été faite sur le Covid-19. Mmh. Quel est le rapport ? C'était transmetteur ou... Cet organisme aurait la propriété de neutraliser le virus. pour transmettre ? De le neutraliser. Ah, oui, effectivement. Et d'inhiber, en fait, son caractère reproducteur. C'est... Et ça, c'est dans le la forêt qu'on le voit ou dans le repas ? C'est sur une branche. Une branche basse d'un... On est d'un bien d'accord boulot. Que du coup, maintenant qu'on a bouffé les champignons, on est de sac vide. Que tu les as préparés, oui. Ouais. J'ai saisi le truc avec le sac et... Enfin, tu vois, je retourne le sac, je le prends et... Tu le mets dedans, oui. Bah, enfermé. Je prends toutes les précautions du monde. Tu en as deux comme ça que tu trouves sur... Et effectivement, tu te souviens, quand tu le fais tomber, le ploc et l'odeur forte de l'essence et du bouleau, c'est... dans l'article, il était précisé que le contributeur précisait que ce qui est singulier, et comme souvent dans les recherches qui sont menées par nos grands laboratoires, c'est que la réponse est souvent connue depuis très longtemps, et que si nous avions accès aux pratiques ancestrales, si nous avions une bibliothèque de la pharmacopée qui était celle des anciens, les grands laboratoires feraient faillite. Oui. Et donc, ce qu'il disait, c'est que cette espèce de blob, parce que c'est rangé dans les blobs, donc c'est un ordre à part entière, ce blob qui se nourrit entre autres de ce que génèrent les coronavirus, c'est l'un de ces aliments. Ce blob vit en symbiote avec le bouleau. Et que dans les vieux écrits, pour les recherches qu'il en a fait, il y a notamment des témoignages de Strabon qui font état d'une panacée qui serait en usage en hyperborée et qui serait un prélèvement de sève de bouleau mélangé à un ingrédient mystérieux et qui prodiguerait longévité à ces gens du Nord et qui leur permettrait de surmonter l'âpreté de leur existence. Donc ce qui était indiqué, c'est que à l'état naturel, ce blob avait la faculté de se nourrir du virus, et qu'il était, comme de nombreux blobs, d'une consistance voisine de la gelée, ou de la gelée royale, par exemple, et que il supputait que effectivement il était consommé tel que pour lutter contre des infections virales la plus haute antiquité. Du coup, comme j'en ai chopé deux, j'imagine que je les mets dans des sachets différents, ça t'embête pas ? Bah t'as les deux sachets. Je ramènerai ça au labo ou j'en cuis. Ou peut-être qu'on en utilisera un pour tenter de survivre. Avec une dose, genre le plus gros des deux. Oui. Qui est sur la photo. On est d'accord que si on en bouffe tous les cinq, vu qu'il y a aussi Jean-Aude. C'est gros comme ça. En revanche, ce qui Oui, mais ça peut servir d'additif alimentaire. Tu peux le mêler à la nourriture, oui. Peut-être que vous pourriez le mêler aux champignons qui n'ont pas été consommés. Mais en tout cas, il est certain que même si c'est relatif. À titre général, les blobs les plus documentés ont une certaine faculté de résistance aux températures. Ils ne résistent pas à une cuisson prolongée. Ok. Je tiens à préciser que depuis... ce moment, depuis le moment où Yoris Karl a observé la branche, vous êtes dans une sensation presque d'osmose que vous n'avez jamais connue. il y a comme un bruit de fond qui vient emplir vos tympans. Un bruit de fond qui est le bruit des conversations intérieures, des introspections qui sont les vôtres à chacun et chacune. Vous êtes dans une espèce de communion étrange, une communion de pensée. C'est pas une lecture de pensée comme on les imagine dans les émissions sensationnalistes, des mentalistes qui viendraient à percer vos pensées les plus secrètes. C'est plus une sensation diffuse dès lors que vous focalisez votre attention sur un point. Les autres ressentent cette orientation et comme on entend parler les autres et on entend que un tel hausse le ton, on va porter son intérêt sur la conversation. Et de la même façon, lorsque vous focalisez votre attention sur un point en particulier, attirez inévitablement la vôtre suit celle d'Oscar, Leslie, Kyoshi. Adrien, Yoris Karl. Et vous ne formez pas un seul et même esprit, mais une espèce de ruche qui bourdonnerait de diverses attentions. Une fois que donc tu peux tu regagnes un de résistance, Xavier. Tu émerges de tes pensées et quand tu émerges, tu... Juste avant, tu étais dans un couloir sombre qui suintait d'humidité. Un grand couloir assombri. L'ampoule est cassée. Et mamie Odette... dit qu'on n'a pas l'argent pour la remplacer. Étrange. C'est un couloir que tu n'oses jamais franchir sans prendre ton élan. Là, il y a juste la lucarne de l'entrée qui ménage et filtre la lumière du dehors pour lui donner une couleur orangée. Qu'elle jette sur les meubles sombres du couloir, du long couloir qui mène à ta chambre. Et le fond du couloir n'est qu'ombre, des ombres mouvantes. Quelque chose semble se tapir dans l'obscurité juste avant la porte de la chambre. Ce pourrait être le chat, mais un chat qui a quoi ? Un grand pied. Un grand pied qui s'avance lentement. C'est pas lentement. Lentement, mais cache-toi dans ton armoire. Tu as ton élan. Tu as ton élan, tu es prêt à rejoindre la porte. Tu saisis la poignée de la porte, tu la fais tourner, mais elle tourne toujours dans le mauvais sens. Cette horrible poignée de porte, elle tourne toujours à l'envers. Elle se ferme. Elle refuse à s'ouvrir. Et tu sens la main se poser sur ton épaule. Parce que tu sens la main se poser sur ton épaule. Mais... Tu te réveilles en sursaut et tu sens effectivement une main qui est posée sur ton épaule. Une main qui a son poids, qui pèse sur toi. Et de longues griffes. Mais arrêtez de me griffer, ils ont quoi les gens à me griffer ? Les gens. Il est sûr? Non. Tu sens que la main ne se... Ce n'est pas une main. C'est une patte poilue, velue. C'est quoi ce truc ? Noir. Un ours. Un ours. Un ours. Juste là. Bonjour, comment vas-tu ? Moi je m'appelle Ginette. Et toi ? Ok, bonjour Jean-Claude. Oui, on est les alcooliques anonymes. Présentez-vous. Et vous entendez un grognement retentir qui vous sort de votre torpeur les uns et les autres. Et effectivement... Et moi, je parle d'un ours, tout va bien. Il y a un ours qui se tient... C'est mon pote. Une patte posée sur l'épaule de Leslie qui est adossée à un pin. Ça va ? Tu es... toi-même, tu viens de te réveiller avec la sensation que quelque chose allait saisir ton épaule. Tu vas bien ? Tu vous arrivez pas ? Qu'est-ce qui allait te saisir ton épaule ? Tu me décris ? Un arbre. Je sais pas, mais arrête ! Je sais pas, moi. Tu n'as... Ton œil n'a pas glissé par-dessus ton épaule pour voir l'espace d'un instant ce qui était juste derrière toi ? Mais pas du tout. Oh. Si Jean-Claude, je t'ai dit, il est venu vers toi. Ça fait peur. Il t'a fait coucou. Ça fait peur. Tu renonces. T'as peur de te faire renoncer à regarder ? Oui. Tu renonces à regarder. Ça fait encore peur. Ça fait encore peur. Ça fait encore peur. Bonjour. Tu veux me manger, ta faim ? Pousse en bas. Qui te frappe malgré toi, oui. C'est que l'ombre des arbres qui avait gagné en puissance, j'avais dit que, curieusement, à mesure que le temps s'écoulait, que les nuages s'éloignaient dans le ciel, la noirceur gagnait les arbres, le ciel s'assombrissait beaucoup plus qu'il ne s'était assombri la veille. C'est une presque nuit, c'est en fait une... Un nuage. Une obscurité, c'est... Tu ne vois pas le poil... Oh. Donc c'est un ours noir. Ou encore un ours ? Tu ne vois plus de couleur. Oh. Je vois en noir et blanc maintenant. Oui. Youpi. Bonjour les années 50. Non, pire. J'ai plus. Que fais-tu, Adrien ? Je vois l'ours. Tu vois un ours qui se tient... Mais pourquoi il me tient l'épaule ? Tu as une courbature ? Oui, tu comprends, ça fait très mal. Mais... Je ne bouge pas. Tu ne bouges pas ? 1, 2, 3, soleil. Tenter de ne pas attirer l'ours. Chier dit... Non, tu bouges. Voilà. Blablabla. Je bouge pas, moi je suis immobile. Je suis comme ça. Moi je suis comme ça, en train de regarder ma sœur. Tu es à côté de Piochi. C'est horrible pour tu la photo. Tu penché pour voir ce que faisait ta sœur, la voir directement au pied de l'arbre avec l'ours juste derrière elle qui pose sa patte. Et tu sens qu'il y a quelque chose derrière toi, comme dans ton cauchemar. C'est un chat. Je bouge plus. Immobile. Immobileuse. Tu dis, il y a quelque chose derrière moi. Tu dis pas. Tu sens la détresse qui étreint... ton cousin, Adrien, que fais-tu ? Tu as dit que tu ne bougeais plus. Je déplace lentement mon bras et je lui pose dessus pour tenter de le rassurer. Ouais, mais il va sursauter ! Donc tu t'approches de lui, tu sens... Tout doucement. Tu sens que... Tu entends des pas qui s'éloignent, des sabots. Des sabots ? Des sabots qui... résonne sur le bois, sur la terrasse de l'une de ces vieilles maisons. Ces vieilles maisons qu'on a construites autrefois au cœur du bois dans le Nordland. Ces maisons en larges planches qui sont couvertes de badigeons à l'intérieur de la ville Saami. mais qu'on a laissé brute au cœur du bois. Tu te souviens d'une photo que tu as entreaperçue, une photo que tu as vue lorsque tu étais chez le pharmacien. Vieille photo du même type, une photo sur papier argentique. Tiens, approche-toi, Xavier, s'il te plaît. Non, la chaise. Une photo sur papier argentique, comme la photo qui étreignait, du même type de photo qui étreignait Kiyoshi, la photo de Soeng. Donc, à la différence de celle de Soeng qui comporte la banderole de la planche contact, là, elle était bien détourée, elle était sous verre chez le pharmacien. Et c'est cette maison-là, ce type de maison-là, avec une terrasse de bois qui la jouxte. Et tu entends les sabots qui grattent sur les planches de la terrasse. Yoriska, oui. Tu es toi aussi adossé, tu étais face au bouleau dont tu avais remarqué la particularité, et dans l'axe de vision où s'est porté ton regard, là où se tient toute la petite famille et Kiyoshi, au-delà de l'ours, tu aperçois une silhouette dans le bois. Un homme vêtu d'une grande houppelande noire toute déchirée. Il porte une barbe hirsute mal taillée. Il a une espèce de battoir en main et se tient un peu comme la créature de Frankenstein en embuscade derrière l'ours, avec cette air presque mécanique, comme s'il était collé, mais entre deux clignements d'yeux, tu as l'impression qu'il est présent sans l'être, comme si c'était une surimpression sur ces photos sur verre du tout début du XXe siècle, les photos de la Grande Guerre ou même d'avant. Une grande silhouette en haut plan noir, et ça te renvoie à tes lectures sur les traditions finno-ougriennes ou Saami. Il est dit chez les Sahami que lorsque un événement sinistre doit survenir, l'esprit qui protège le logis, et les Finlandais disent le Ahritas, se manifeste. S'il est dans de beaux atours, s'il porte la tenue de cérémonie, comme l'affectent par exemple actuellement les Samis avec les petites banderoles mordorées aux manches, si sa chevelure est impeccablement peignée, alors cela veut dire qu'il annonce l'avenir. En revanche, s'il apparaît hirsute, dépenaillé, avec des vêtements déchirés, c'est qu'il annonce une perte, qu'il est en colère, qu'il se rebelle contre une situation qui menace le logis. Et alors, il est plus... qui menace la communauté dans son ensemble. Et alors, il est plus destructeur qu'un incapé libre. Mais... c'est ça. Je vais mourir. Bah, pour rester dans le domaine finlandais. Je suis un peu dans le caca. C'est ça. Je suis un peu dans le caca. Et c'est quelque chose de singulier parce que tu y vois, tu le vois par intermittence comme si tes lunettes te manquaient et que la fatigue s'étant accumulée, tu ne parvenais plus à focaliser ton regard sur les lignes trop petites de cette édition. Les détails sont fugaces, reflux, apparaissent, disparaissent. Autant l'image qui est apparue de ce vieux Suédois, la photo qui était chez le pharmacien. Son nom de ce Suédois, il t'échappe, mais il était le représentant de la couronne. C'est un homme célèbre. Celui sur la photo. Celui auquel a pensé par association d'idées Oscar. Autant celui que toi tu vois, il est imprécis, son visage est mangé par la barbe hirsute qui est la sienne, comme si son visage était de lin, de brume, qu'il n'arrivait pas à prendre consistance, qu'il était véritablement cet Ahritas. Oh, pour je l'arrête dans le bus. Mais c'est... Que fais-tu, Yoris Karl? Non. Donc... Que disent les légendes au sujet de ces esprits troublés qui viennent avertir la communauté? Il faut soit les apaiser, soit... payer le prix. Et comment les apaise-t-on dans la légende? Souvent, soit en leur donnant une obole, soit en faisant preuve de sa bonne foi, enfin de la foi que l'on porte aux traditions. Et bon, alors pour l'auditeur, je suis désolé, je parle et je ne lis pas un traître mot de finlandais. Mais je connais ce chant, c'est justement le chant des Akateli. C'est Opojla Nangissa, Mail Insana, Senranala Noimuta, Leitemesa, Kassailoja Katais, On Vartunut Seil, On Kunyal Oskule En Knut Miel. En français, j'ai la traduction, comme ça c'est peut-être plus compréhensible. Notre patrie, ce sont les neiges du Nord. Sur ses rives brille la flamme de notre âtre. Là-bas, notre bras s'est formé à manier l'épée. Là, notre cœur a pris feu pour la gloire et la foi. Mais du coup, moi, je le donne pas dans les deux langues. Tu le donnes en finnois. En finnois. Oui. Et alors que tu le donnes en finnois, ça ne te fait pas écho au serment du pays où vous êtes? Qu'est-ce que dit l'hymne suédois? Le... Quelle est la devise de la Suède? C'est... On veille sur le roi, Toujours pour la Suède. Et l'hymne dit ce que tu viens de dire. L'hymne, celui qui a servi de générique, c'est celui qui porte la voix des anciens. Mais attends, mais les acapellites, c'est des Finlandais. Les Finlandais qui servent de symbole à la Suède. Mais, la Finlande n'est qu'une création récente. Je sais, c'est une création... Enfin, le premier état finlandais date de 1918. Alors, vous avez, au travers de la vision d'Oscar terrorisé qui entendait les sabots de l'apparition au seuil de la maison, vous avez repensé à ce brave... pharmacien. Quelle particularité avait-il, selon vous? Son hospitalité. Mais au-delà de son hospitalité, qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'il parlait français. Il parlait français, il vous a dit qu'il faisait des études, mais est-ce que le lien avec la France se limite-t-il à ça? Il nous avait dit qu'il était parti en France plusieurs fois, il me semble. Oui, mais quel est le lien qui existe entre la Suède et la France? C'est purement historique, mais pendant la guerre de 30 ans, ils étaient alliés pour taper sur les Germains. Mais bon, c'est tout ce que... Tout ce qui m'est... Quel est le roi de Suède? Actuellement? J'ai un trou... Je sais qu'il vient d'une dynastie, enfin, en partie d'une dynastie allemande, c'est les von Bat. C'est ceux qui en Angleterre ont notamment influencé. Tu réfléchis les à tes recherches que tu as menées sur les mythes pour écrire ton ouvrage, mais non. La dynastie, c'est celle d'un général d'empire français. Oui, la dynastie. Alors c'est Bernadotte qui s'est retourné contre Napoléon quand il a vu qu'il commençait à perdre les campagnes de Russie. Tout à fait. Oui, non, mais en fait, c'est... Et si je dis qu'il y a une dynastie allemande... Qui s'est allié aux forces coalisées pour taper sur Napoléon. Et qui est monté sur le trône, et donc tous les descendants... Oui, mais... Qui sont... qui constituent la famille régnante sont des Français. Oui, c'est de souche landaise. Là, c'est Charles Gustave, mais du côté maternel, il vient d'une dynastie allemande. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a eu une alliance avec une dynastie allemande. Toutefois, la source du pouvoir de la dynastie Bernadotte... C'est la maison Bernadotte. C'est la maison Bernadotte, qui est aussi une maison princière... sur les Landes, qui n'a plus de légitimité, oui, ce sont les armoiries et le Bernadotte, qui n'a plus de légitimité sur le sol français, puisque la France est une république depuis, et qu'elle est une, et indivisible, s'ils avaient du territoire dans les Landes. Près d'une roche fort célèbre. Ça me dit rien. Pour un président de la République qui a eu des histoires avec la Francisque. Je connais pas la vie de Mitterrand à part son côté fasciste. Mais... Bref. Il y a un lien avec vous qui êtes français. Il parlait français. Certains Suédois ont des liens familiaux avec la France pour... la foi qu'ils ont placée au travers de leur parlement en Charles Jean Bernadotte, général d'Empire, qui s'est allié à la Russie pour gagner la Finlande et exiger la Norvège. Finalement, ils ont pu récupérer la Finlande pour se la faire repiquer à la suite. Par... Toujours par les Russes. Par les Russes qui ont transformer la Finlande en une région autonome, enfin, entre guillemets, région autonome, mais qui était sous la possession russe, qui est ensuite devenue indépendante à partir de 1718. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce territoire de Finlande? Il y a eu un mouvement de résistance qui est né. Il y a eu le royaume de Finlande qui est apparu. Oui, mais avant cela, il y a eu un mouvement de résistance suédois qui est né. Oui, dans le nord des terres. Nord des terres et qui prenait sa source. Complètement éclaté. Qui prenait sa source dans les terres Sahami et qui a donné lieu à un ouvrage fort célèbre en Suède. Ah oui, c'est le bouquin d'anticipation dont tu m'as parlé. Tout à fait. Quand la Suède deviendra russe. Non, quand le. Quand la Finlande deviendra russe. C'était à l'époque un ouvrage d'anticipation qui est devenu réalité. Et oui, quand la Suède, deviendra russe. Et donc ça a créé un mouvement de nationalisme. Qui cherchait plutôt à défendre ses frontières que. Et de tes recherches, il apparaît que ce mouvement nationaliste a cherché un appui pendant la Première Guerre mondiale, alors que la Suède était neutre. Auprès des Allemands. Mais avant tout auprès du Japon. Oui. Qui lui a envoyé deux cargos pleins d'armes pour équiper l'armée suédoise. Qui se sont perdus dans le Norland. Et qui se sont perdus sur les côtes du Norland. Et le nom de l'armateur, quel était-il ? Ça, aucune idée. J'imagine que c'est le nom de notre hôte, en fait. De celui qui vous accompagne, oui. Kurosawa. Kiyoshi Kurosawa. Ah oui, le créateur de sur notre rive, c'est ça? Mais qui vous accompagne, Kiyoshi, c'est, il vous l'a dit, il est réalisateur de films d'horreur. Ah oui, je l'ai même vu dans la chambre, dans votre chambre. Tu l'as vu dans la chambre? Quoi? Dans la chambre dans laquelle tu essayais de t'échapper? Non, dans tout ça. En revanche, ça lui fait quoi? Il chante le chant des acapellites. Lorsque tu chantes cela, l'ours se redresse sur ses pattes arrière. Ouh. Bonjour. Et gronde sourdement. Celui-là, il capte ton attention. Et lorsque tu portes ton regard dans la direction où tu avais aperçu cette étrange apparition, il n'y a plus. Ok. Tout va bien. Je suis là. Quelle était la cérémonie qui permettait de renouer avec les éléments? Version barbue. Chez les Samis. Quelle est la cérémonie? Et mal habillé. J'ai un doute. Mais il me semble que c'est. Voilà. Je vais fumer quelque chose. On est d'accord. Je vais aller me coucher, moi. Ça commence par un. Il y a question, justement, si je l'évoque, c'est parce que pour ça doit avoir un rapport avec ce qui a surgi derrière ta cousine. Bon, moi, je vais faire ma petite sieste. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais Alexandre, où est le tournoi? C'est pour dire qu'ils sont en train de se faire. La cérémonie. De l'ours. Le truc noir, le carré. C'est pas un tel de bise. Et que fait-on dans la cérémonie de l'ours? C'est le signe pour ceux qui ont pas encore choisi entre eux. Je serais plus bien non plus. Le carré tout noir. Oh, t'es tout. On mange l'ours. Quoi ? On mange l'ours dans sa totalité. Pourquoi ? Bah, c'est la cérémonie de l'ours. Mais il a fait quoi ? Et sa tête est posée sur un grand pin dont on a coupé la cime. Quoi ? Pour rejoindre le ciel et renouer le serment de vie avec les éléments. Mais il a fait quoi l'ours ? Il a rien fait ! Il a juste posé sa patte sur mon épaule, après il s'est fait... Waouh ! Il a fait le beau, c'est tout. Voilà. Que faites-vous ? Bonjour. Bah moi je suis toujours immobile. Il est choqué. Bah moi je vais faire ma sieste. Mais en fait moi je suis en train de regarder le spectacle. Il faut le manger. Pourquoi ? Donc, t'es en train de dormir. Moi je dors. Un ours, le tue. Il y a un ours qui se tient en grognant et qui s'agite juste derrière. Tu me sers d'oreille. Leslie. Moi j'ai fait ma sieste. Et pour l'instant vous m'avez dit tous, et je reste sur cette idée, que vous restez immobile, genre je ne bouge pas, il y a un ours, faut pas. Moi je dors. Faut pas bouger. Moi. Bah je regarde ce que font les autres. Pas de geste brusque. Moi, non, non. Bah, t'as ta main là en fait. Oui, sur ton épaule pour te rassurer. Donc, moi, je suis comme ça. Kyoshi a sorti. Oh, c'est quand vous m'aidez là. Sort son pistolet. Non, non, non. Mais il fait pas ça, il fait juste le beau. Non, il est pas. Mais en fait, s'il tire, il peut toucher. Bah voilà. Non, non, il est beaucoup plus grand que moi et moi je suis assise, hein, pour te dire. Je suis juste. Voilà. Il vise qui ? Moi ? Non, bah non, pas toi. L'ours. Il vise l'ours. Ouf. Mais sinon, il va se sentir menacé, il va m'attaquer, il va manger la tête. Pan. Pan. Vous pouvez... N'oubliez pas que vous êtes en lien les uns avec les autres. Donc vous voyez que lui, ce qu'il vise, c'est la poitrine de l'ours. Mais il est derrière... Mais vise la tête. La poitrine. La tête. Cette section-là. Ouais, bah ça veut dire que l'ours, il est derrière elle. Il est derrière elle. Bah oui. Bah du coup... Est-ce que vous... Ça peut te toucher. Que pensez-vous ? Que faites-vous ? Tire la tête. Tour tire de... la tête. Toi, tirer sur tête. Alors, de ours. Je pense que toi... La solution, c'est peut-être de te baisser et de te mettre en boule. Ouais, mais pas de mouvement brusque, hein. Donc, tu penses doucement position fœtale. Après, le risque, c'est que s'il s'effondre vers l'avant, il va falloir attendre qu'on le retire, qu'on le découpe, pour que tu puisses en... Je m'en fiche. J'ai toujours rêvé d'être en dessous d'un ours. T'as toujours rêvé de voir ça ? Non. Ouais, soit. Bah, tu pour la nouvelle Suède. Ouais, youpi, je vais me noyer dans ton. Vous pouvez, à ce stade, vous êtes envahi par ce bourdonnement parasite qui est constitué de vos voix, de la ruche que vous formez. En position fœtale, d'accord. Mais rien ne t'empêche de penser et d'indiquer des choses aux autres. Je sais pas quoi faire. Sur la tête, Yoshi. Et vous pouvez, décider du l'ours que rien ne doit être fait et que seuls les éléments parlent. Renoncer à tout mouvement, auquel cas vous avez le sentiment que vous serez gratifié de quelque chose. Je viens de me mettre en boule, mais tout va bien. Mais que vous en paierez le prix. Quoi ? Bah, je ne sais quoi faire, donc pour l'instant, je ne bouge pas. Toi, vise la tête, pas le ventre. Non, mais c'est pas moi, en fait. Hein. Oui, je sais. Mais... Toi, t'as dit, vise la tête. Vise la tête. Gabriel. Moi, je lui... Yoris Karl. Je lui dis de se rouler. Je l'ai déjà fait. Oui, mais tu peux dire autre chose. Tu peux... Non, moi vise la tête de l'ours. Kyoshi. Et ça peut être cohérent. T'as le droit de faire un discours fleuve puisque c'est instantané. C'est la pensée sur laquelle tu te focalises. Non, est-ce que ça peut être à tout le monde ? Oui. C'est de tous baisser, pour, à part Kyoshi, pour Enfin, pour éviter que, qu'aucune balle ne nous touche. Doucement, par contre. Faut préciser. Moi, je me baisse doucement. Moi, je suis comme ça. Oui. Position fatale. Je reste dans la position de départ. Je vois pas quoi faire d'autre. D'accord, tu te baisses pas particulièrement. Tu vas te faire toucher par la balle. Alors, non. Est-ce que je suis physiquement devant le canon? Dans le... Parce que je suis dans l'axe de tir. Oui. Je me baisse. Oui, non, mais soyons honnêtes. Quelqu'un va tirer. Si je suis devant, je me baisse. Si je suis pas devant, je bouge pas. D'accord. Enfin, bah, s'il fait ça, et bah, alors, tiens. Oui, non, mais par exemple, si je fais ça, bien sûr que tu vas te baisser. Mais si je fais ça, est-ce que toi, tu te baisses? Oui. Donc, vous avez... Je suis en PLS en dessous d'un ours. Il y a deux lancers, s'il vous plaît. Vive la PLS. Deux lancers. C'est pas mon tour. J'ai deux pieds gauches. Deux personnes. Deux pieds gauches à la place des balles. Trois. Pardon. Fiche 3. Et un deuxième lancé. Fiche 3. Un deuxième lancé, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dis? Fiche 3. Est-ce qu'on peut me passer un des 6? Non, c'est un deuxième. Non, c'est le mode dès que t'as dans la main. Un des 6. 9. Tous mourir. Comme c'est étonnant. On dit merci Gabriel. Merci Gabriel. Comme c'est étonnant. Oh mon dieu, je vais mourir. Je suis en position latérale de sécurité. Ah. T'as vu ça? Oh mon dieu. Ah, j'ai très peur. Tu te souviens? C'est très la peur. En techno là. Et vous avez un troisième dé. L'un de vous deux. Quoi? Eh oh, ouais. Les amoureux, l'un de vous deux. Non. On n'est pas amoureux. M'en fous, vous lancez un dé. Vous lancez un dé ou vous assumez que vous êtes amoureux? On n'est pas amoureux. Lance le dé. Bah, 6. Okay. 6, donc on a eu 6. Non, 3, 9, 6. Pourquoi t'as pas dit 6? 6, 9, 6. 15, 3, ça 10. Ça va, on n'a pas dit 6, okay. 6. Bon, moi ça me semble un bon présage, hein, 666. Bah t'as de la chance que j'ai pas commencé par 6, hein. 6, 9, 6. Et donc, et il me faut... Non. Il lui reste 666 PV. Et je l'ai pas. C'est le diable. C'est pas drôle sinon. Et alors 106, c'est le diable. Bah y'a 6. 7. Qui lance le dé, pas moi. J'ai deux pieds gauches à la place des mains. Bah non, à ton tour de lancer. Mais non, oh. Je porte malheur. Ah. Voilà. On porte tous la poisse, à ton tour de lancer. Il me semble que je suis quand même le pire, là. 4, 9, 4, non. Non, 9, 3, 9, 6, 4. J'entendais retentir le coup de feu qui... qui résonne dans la forêt. La balle rebondit. Vous entendez le... hurlement de l'ours qui se prolonge par un... Je roule. Oula, il est constipé. Il est constipé, cet ours. Et le sol tremble. Oh, il a des risques. Résonne, il vient de tomber sur ses quatre pattes. Sur moi. Je suis juste en dessous de lui, en fait. T'es en dessous de lui. Bonjour. Et... tu vas jeter un... Non, alors, non, je un des 6. Oui, mais ça va, tu t'es déjà. Tu jettes un des 6. Et un, what? 3. Donc, tu perds 2 points de résistance. Quoi? Ça va. Tu sens le poids de... Je suis à du 11. Ventre de... Oula. De l'ours et une griffe passée près de ta tête. Waouh! Wow. Il m'a frôlé. L'ours s'élance en direction de Kyoshi. Moi, je suis à couvert, hein. Moi, je sors. T'es à côté de Kyoshi, juste à côté de lui. Je suis un caillou. T'étais... Bah, je bouge pas, en fait. Tu bouges pas. Je suis un caillou. Tu vois l'ours s'élancer à pleine vitesse vers toi. Laisse-le. Et il va mourir. J'aime les gaufres. C'est la dernière phrase que je veux dire. J'aime les gaufres. Et donc, tu renonces à bondir pour... il fonce droit sur toi. Ah, bah je roule. Mission impossible. Toi, tu l'as vu détaler devant. Que fais-tu, Adrien? Je reste immobile. Tu ne bouges pas. Yoris, Karl. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de se prendre une balle, il a rien. J'essaie de me jeter contre l'ours. Il y a un ours constipé. Mais tu vas mourir. Dans la trajectoire, tu vas bousculer l'ours pour le détourner de son... L'ours est grave. Quelqu'un. Tout va bien. Ensuite, j'ai perdu 2 PV. Ensuite, c'est lui qui va se faire écraser. C'est des 2d10. Ok, Mathieu, il doit être en mode. Où est-ce que je suis atterri? Inférieur à ta force. Inférieur à 4. Tu lances 2 fois le D10 et tu dois obtenir. Ça va être chaud. 5. 4. Ok. 3. 8. 5 et 8, 14. Ok, et donc là on fait le total et on le confronte à la valeur de la créature. Mais t'as vu sa taille? Et je vous dis pas. Il va voler et faire. Mais qui est relativement élevé, mais. Vas-y, tu peux. Lancer et tu retires. Non, c'est pas ce dé là, c'est un dé 4, pardon. Vas-y. Waouh. Gelem, auquel tu me suis pris un ours dans la tête. C'est 4, j'imagine. Non. Fait, what? Donc là, c'est 1 moins 1. J'aime les gaufres. J'étais une pierre. Moi, j'étais comme ça. 0. What? Je suis désolé, tu m'as dit 1 moins 1. Voilà. Mais c'est au moins 1. C'est ce qui est précisé dans la règle. Donc tu lui fais 1 de résistance. Kyoshi tire une deuxième balle. Donc 3 lancers, 2 des 10. Non, 2 cette fois-ci. Il a pas le temps de viser. Je sais quelle face, hein, je suis pas bête. Posément. Donc, deux lancers de délice. 4. Ok. Voilà. Boum. Blam. Non, mais nous, on est immobile, on est des enfants, vous nous brusquez. 4. 4 et 9. Et on est des enfants, on ne peut pas nous brusquer. Donc, le D8 qui a servi tout à l'heure, qui a à nouveau disparu. Vous me lancez le D8, s'il vous plaît. 2. Et là, il y a un tremblement de terre. Il tire une nouvelle fois. Ça vient frapper la balle. Fait jaillir des poils à hauteur de la patte antérieure de l'ours qui se rue sur Kyoshi. Oula, Kyoshi va prendre cher. Je suis une pierre. Donc vous voyez la tête jaillir dans le trajet de la patte de l'ours et s'élever dans les airs dans une gerbe de sang. C'est qui? Quoi? Kyoshi. Il est mort. Non. Sa tête vient d'être arrachée d'un coup de griffe de l'immense ours qui est arrivé jusqu'à lui. Et qui lui a arraché la tête d'un coup de griffe. Tu as une gerbe de sang qui se répand sur toi. Moi, je suis en mode... Wow. J'aime les gaufres. C'est comme ça, les gaufres. Tais-toi. Merci. Il y a un ours qui vient de s'allonger sur moi, mais tout va bien. Okay. Que fais-tu? Je reste en mode « je suis une pierre ». Je n'existe pas. D'accord. Moi, je regarde le son. Je suis mort. Moi, je regarde le son. Mais je suis sonné. Non, tu l'as heurté, mais il a continué sa course, arraché la tête d'un coup de griffe. Je suis une pierre. Il est maintenant dressé. Et les deux griffes menaçant... Bon, bah, c'est reparti pour lui sauter dessus. Oui, c'est parti, mon kiki. Et moi, je fais. Je peux avoir le D10. Et toi, tu hurles. Je suis une pierre. Tu ne peux, Tu ne te saisis pas de... La violence ni... Zéro. Si je me saisis de mon couteau, mais non. J'aime les coffres. Mais non. 5, 15. Qui aussi utilise la violence, il est mort. Non, c'est toi, tu veux utiliser la violence, tu vas mourir. T'as là, si tu dois faire le total, je et le total doit excéder la valeur de la créature. T'as 4 PV. C'est pas une test de compétence. T'as 4 PV. Et donc là, c'est en revanche un des 4 pour déterminer ces dommages. Donc 3 meurs. Moins 1, meurs. 2. Non, mais non. C'en est 4. 1, 4. 2, 3, 4. Ah, pardon. Donc 3. 3. Dans la vraie vie, l'ours est fait. Je suis constipé. Et ça suffit avec tes histoires de constipation, toi. Tu donnes un. Tu donnes de toute ta force à hauteur de. De la patte arrière et l'ours perd l'équilibre. Retombe lestement sur ses pattes avant d'avoir le temps de donner un coup de griffe. La griffe passe juste à côté de ton visage. Tu sens l'haleine fétide de l'ours. Tu sens l'haleine fétide de l'ours, mais tu vois sa tête se déformer. Quoi? Pour s'allonger. Quoi? Devenir une girafe. Devenir noir, noir de suie ou noir comme le tronc des arbres ou le tréfonds du couloir où tu te tenais juste avant. Je suis une pierre. Deux mains noires, larges, tendues, pourvues de griffes. Que fais-tu? Il s'évanouit. Tu t'évanouis ou tu te saisis de l'arme de Kyoshi qui gît dans sa main? Mais non, la violence ne mène à rien. Alors, je m'évanouis. Fait. T'as ton couteau. Je profite de cet évanouissement. Quoi? Oscar, comment réagis-tu? Tu as senti l'haleine fétide de cette créature qui tient à la fois du monstre au fond du couloir. Le double nom. De ces mains avides aux doigts prolongés par des griffes qui cherchent à s'emparer de toi depuis l'obscurité et venir cueillir ton cœur tendre. Cet ours à la laine fétide qui vient retomber lourdement. Juste devant toi, il y a la main de Kyoshi. Encore à demi refermé sur son revolver. Yes, je dans ta main droite, tu as la dague de chasse que t'a offert le vieil éleveur Sammy Stig. Fais ton Kamehameha. Le... S'il te plaît, fais ton Kamehameha. Stig, le guide donc, que vous aviez éleveur de rennes. Ça a mis. Je prends mon couteau, je prends le pistolet dans une autre main, je plante, ensuite je lâche le couteau et je tire. Donc ça, c'est ce que tu entreprends. Donc tu vas d'abord... Coutonner. L'attaquer de ta dague de chasse. Je suis une pierre. Mais je n'ai pas de Kamehameha. Si tu en fais. Parce que moi j'ai des choses. Je replie ma fringue, je lui injecte une quantité entière. Il va boire le petit nounours. Tu charges. Le petit Teddy là. Tu remplis en plus, ta il seringue. Avait rien fait, hein. Il avait juste mes chapeaux. Hein. Tu remplis ta seringue alors que l'ours menace. Ouais, à nouveau. Il a quand même coupé la tête de quelqu'un, mais c'est rien. Hein, hein. Oscar. Le petit Teddy, il va boire. Adrien. Non, mais quand il va, venir, je toi, tu l'as un ours. Imagine, t'as quelqu'un qui écoute ça. Non, moi, je suis un caillou. Tu sais que c'est un caillou, la stratégie du caillou. Et Gabriel, moi, je lui refonce son corps de vache. Il entend le podcast. D'accord. Donc, on va d'abord voir. J'ai besoin de te parler. Oui. D'abord. Donc tu tentes. Non, c'est pas le bon dé. C'est un dé 4. Ça va pas le faire. Ça commence bien. Il était chaud. Donc Xavier, tu te concentres. Ah bah, tu te concentres. Tu lances deux fois le dé 10. Et là. Une, deux. Okay. Ça commence bien. 2, 8, 8, 10, et 5, voilà, ok, 15, ok, ça marche, et tu lances le D6, 4, et c'est 4 pattes, tu lui plantes jusqu'à la garde ta dague. La garde, c'est ça. Oui. Non. Et l'ours hurle à nouveau. Et tu sens le corps de l'ours vibrer contre la dague. L'ours se redresse. Tu as toujours la dague engagée dans son corps. Et tu le vois basculer comme ça. Et s'effondre. Wow. Et moi, je commence avec toi au-dessus. La dague toujours plantée jusqu'à la garde dans une odeur, l'odeur pestilentielle de ses poils, la sueur. Il est mort ? Non, c'est pas. Il s'est effondré. Bah, on va en être sûr. Hein. Son ventre s'est affaissé. Le silence règne à nouveau. On n'est pas sûr s'il est mort. Je souris quand même. Et là, il va se relever, il va faire pas. Et j'ai mon pistolet, je l'ai pistolet dans la main. Ah oui, tu l'as toujours. T'as le pistolet dans la main, oui. Je lâche la garde, je reste là où je suis, je le vise. Die. Il ne bouge plus. Il n'y a plus un souffle. On entend le vent bruisser dans les feuilles. Yoris Karl, que fais-tu? Ben. Tu n'as même pas eu le loisir de le percuter. Tu l'as vu s'effondrer. T'as juste eu le temps de reculer. Sortir de sa trajectoire. J'essaye de reprendre le couteau de chasse parce qu'il faut aussi le partager. Et il est plein de sang. Hein. Oui, non, mais ça, on s'en fiche. Le but, c'est de le découper. Quand tu le tires de son ventre, tu arraches un lambeau de chair avec, comme si la lame avait une consistance différente. Et tu vois suppurer du sang, mais ce n'est pas un sang rouge vermillon, c'est un sang noir épais qui se répand en fumant sur son poil. Je vais le découper. Vous êtes sûr de vouloir le manger, moi? Je le découpe. Moi, je suis avec le pistolet comme ça. Moi, je sais pas. Je peux tirer? Non. Tu le découpes de ta dague de chasse. Et tu entends aussi séparer la tête du corps. Oui, je le teste. Vous le regardez faire. Stratégie du caillou, j'observe. Je me réveille quand tout danger est écarté. Donc, tant que le machin n'est pas débité en petits morceaux, je ne bouge pas. T'as fait la technique de Ruel quand il y a. Suis au lieu d'interrompre. Tu découpes des morceaux. Il y a des morceaux de viande qui viennent, qui glissent sous la peau de l'ours, qui se répandent comme des quartiers, des billes de viande. Une viande qui semble une viande sombre, une peau sombre parcourue de ce sang noir qui palpite. Tu entends le bourdon des voix, mais ce ne sont plus les seules voix de Leslie, Oscar. Tu n'entends pas du tout la voix d'Adrien. Tu entends en revanche la voix de Kiyoshi qui te dit « Nous, travail !» Peach. Qu'est-ce qu'elle a fait, Peach? Toi. Je ne comprends pas. Enfin, c'est du suédois ou pas? Non. Mange, te dis-je. Qui dit ça? Est-ce qu'on fume la viande ou est-ce qu'on le mange directement? Moi, je mange pas. Fume la viande. Il va mourir de faim que de manger ces trucs. Là, il faut le manger quand même. Mais il y a la peste dedans. Il y a la peste dedans, c'est sûr. Moi, je suis en train de rigoler en regardant le sang. La paix. Non, mais Xavier, c'est bon, là, 2 minutes. Faut être réaliste un moment. Tu vas pas te mettre à rire, or que tu vois du sang. Peut-être. Une personnage, si. Ton personnage, s'il se met à rire, en revanche, il pourra pas participer à ce qui a l'air de tenir du rituel du point de vue de Yoriska. Ah bah, et ça, tu en es conscient. C'est-à-dire que même si ton personnage, même si Oscar est terrorisé par la situation, ce qui se conçoit tout à fait, parce que ce qui est étendu là, et là tu vois debout, bonjour, au-dessus de l'ours, un homme qui porte de gros sabots qui raclent sur la terrasse de bois. Je suis immobile. Il a une caisse, un battoir dans la main. Oula. Une grande barbe hirsute. Oula. Son chapeau est de guingois. Il a une mèche de cheveux roux. Oula. Isolée sur sa tête. Mmh. Ok, meurs. C'est Hans Trapp. Baldi. Qui se tient au-dessus de toi. Mais du coup, c'est lui qui a dit que je devais manger, c'est ça? Là, tu ne saurais... Dans ce bourdon, tu ne sais pas qui est la voix de qui. Tu ne peux pas discerner. Ce n'est pas la voix de Leslie. Ce n'est pas la voix d'Oscar. Ce n'est pas la voix d'Adrien. C'est tout ce dont tu sois certain. Ce n'est pas la voix de... C'est pas une voix. Enfin, si, mais... C'est pas une voix. Non, c'est pas une voix. Enfin, si, mais tais-toi. Voilà. C'est ce que je cherche. Donc. Ben... Toi, t'es menacé. Je vois comment faire le... Mmh. Mmh. Je bouffe le... Mmh. Enfin, je commence par manger l'ours. Toi, tu commences à le manger, d'accord. Tu croques dans les chairs. Mmh. Mais je regarde ce qui se passe si jamais vraiment... Enfin, j'ai toujours le couteau en main. Si jamais je vois qu'il est menacé, je suis prêt tout de même à sauter. Bon, c'est pas non plus super de sauter comme ça, mais j'essaye de ménager l'option que je puisse intervenir en dernière minute. Gale. Si jamais je vois que ça dé... Gal. Die. C'est le pays, ça. Ah. Gal. Ça veut dire quoi? Moi, je suis immobile en train de regarder en bouche bée avec le pistolet en main. Charlie, what? Gaufre? Non. Maître Gaufre? Non. Maître Gaufre? Non. Bon, c'est même pas Maître Gaufre? Non. Tu entends une voix déformée, une voix comme si elle était, elle venait de Leslie. Le timbre de Leslie, mais tu as conscience que ce n'est pas la voix de Leslie. L'ISL 10, enfin légal, c'est. You! You? What? You! You? Est-ce que tu manges la pièce de viande palpitante et noire qui repose sur les épines? Quand tu approches ton doigt, tu sens la chair frissonner au contact de ton doigt. Mais c'est toujours vivant ça! Non, moi je mange pas ça! Je préfère manger les champignons pour le coup. Et il y a la chaleur dégagée par le sang noir, la chaleur du corps qui Moi, je dis, y a plein de maladies, dégage ses vapeurs. Moi je dis, tu entends la la voix. Mi? Tu l'entends aussi, oui. Là je fais mi. Donc, la voix que tu entends, je le souligne à nouveau, elle a le timbre de l'esprit dans ce bourdonnement qui résonne dans vos têtes, mais pourtant, tu sais pertinemment que c'est pas la voix de l'esprit. Leslie ? Leslie ? Oui. C'est Maître Gaufre ? Elle a un accent qui fait que ce ne peut pas être le you anglais, mais la voix est grave, elle incarne une espèce de virilité mauvaise, pleine d'acrimonie. Après, vous pouvez déterminer par vous-même de pour qui moi, elle est. C'est du siomi. Enfin, la langue siomi. C'est du siomi. Alors, tu as des notions de siomi. Il y a quelques éléments que tu as pu traduire. C'est ce que tu connais de. Il y a plus de dans les mots courts. Il y a souvent un que final. Sur les mots d'une syllabe. Ça. Donc, c'est probablement pas du siomi, en fait. Même si toi, tu te dis logiquement que ça devrait être ça, ce n'est pas une voix siomi. Donc, vous pouvez choisir de procéder par élimination, vous pouvez totalement ignorer cette voix. Toujours est-il que tu as vu, sous le doigt de l'esprit, cette viande noire arrachée au corps de l'ours, encore fumant de sa chaleur, de son énergie vitale qui se répand dans l'air. Tu as vu le sang noir frissonner sous son doigt et les chairs vibrer et se rétracter. Premier symptôme de la folie. Se rétracter. Il est en vibreur. Il a un appel. Attends, je crois qu'il y a son téléphone. Et c'est sa poche et dedans il y a son téléphone. Il est en mode vibreur, je pense. Sinon, t'aurais ton idée. Donc toi, tu as croqué à pleines dents, enfin tu as mangé, tu sens la chair fondre sous ta langue, comme si elle avait été cuite à cœur. Elle se répand, se liquéfie dans ta bouche et vient remplir ton œsophage. Tu la sens qui chauffe ton corps et vous sentez une chaleur vous envahir. On n'a pas voulu voir y compris sens. Toi, Adrien, tu sens la chaleur entrer dans ton corps. Tu n'en as pas mangé, et pourtant, okay, d'accord. Tu sens cette chaleur qui remplit ta bouche, qui vient chauffer tes oreilles. Il t'est arrivé de goûter des shots parce que des collègues tenaient absolument à fêter la fin de la mission des shots d'alcool fort, et c'est cette même sensation, un blanc, un froid qui a empli la bouche et qui est immédiatement suivi par une chaleur qui envahit le corps, que tu sens progresser dans ton corps, s'insinue en lui. Okay. It's me. Que faites-vous? J'arrête enfin de faire le caillou, mais juste pour rejoindre le roi. Est-ce que tu tu t'empares de l'une des pièces de vin donc, non, je, pour l'instant, même sans rêve. Tu te refuses à manger la viande. Non, je préfère mille fois manger des champignons que je connais parce que c'est caillou hallucinogène. Vous sentez cette, je vous l'ai dit, c'est comme la ruche que vous formez, c'est comme un bourdonnement d'un essaim d'insectes, d'abeilles qui seraient au plus proche du rucher. C'est à la fois distant, comme lorsqu'on s'approche de la ruche et qu'on sent l'essaim qui bourdonne, qui dit sa présence. Et en même temps, il y a une espèce de distance, de latence. Et ça, c'est ce que vous formez en ce moment, là. Tous les quatre. Mais il y a quelque chose d'autre, de distant. Vous avez entendu ces voix empreintes de hargne dire « mange ». Moi aussi, je peux le faire. Non. It's me. Yo. Et vous sentez comme accompagnant la lueur, la chaleur qui s'est insufflée dans votre corps, le velouté d'une flûte résonnée à vos âmes, une flûte de roseaux. Surgit du fond du temps, du yoc, la voix des ancêtres qu'affectent les Sahamis. Et vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui se tient au-delà de vous quatre, quelque chose, une présence. Il suffit d'un renoncement, d'un lâcher prise, et alors vous auriez en vous quelque chose qui se dérobe encore, peut-être une pièce du puzzle, peut-être un souvenir. Mais vous pouvez aussi lutter contre l'envie qui monte en vous de... Et vous voyez vos mains, toi Leslie, qui s'approche à nouveau de la viande. Non. Et tu te dis non, mais tu vois là, ta non. main qui... Non. Qui s'approche. Don't touch. Don't touch that. Yes. Et tu t'es rapproché, Adrien, et... Tu fais cercle avec eux. Non, non, je m'éloigne, je cours. Tu détaches la tête. Moi, je cours. Je pars. Yoriska. Oui. Tu découpes la tête. Oui. Moi, je cours. Tu sens... Oui. Tu sens cette présence. Que faites-vous? Bah, moi, je... Moi, je découpe la tête. Je suis à côté de Leslie. Et une fois la tête découpée, qu'en fais-tu ? Qu'est-ce que déjà, quand elle est découpée, est-ce que ça répand encore du sang ? Je cours ! Lorsque tu la découpes, le sang semble cesser de couler de là où tu découpes. La chair semble se détacher très naturellement. Et le sang ne s'écoule pas. La tête, tu la tiens par le poil dans ta main. Elle est toujours aussi grosse, mais elle ne te pèse pas. Elle irradie la même chaleur que celle qui est au-dedans de ton corps depuis que tu as mangé cette chair. Du coup, je compte manger la tête du. Dans le rituel, dans la fête de l'ours, qu'est-ce qu'il faisait ? Il mangeait la peau, puis il mangeait la tête, non ? Non. Il séparait la tête et la mettait sur au sommet d'un tronc pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel et renouer. Ben, je vais faire ça. Ben, faut que tu coupes un arbre. Il y a des troncs qui ont été en partie abattus. C'est une zone qui manifestement est exploitée par les Samis. Vous êtes au cœur de leur monde. Et il y a effectivement, non loin, un arbre ainsi étêté de sa cime. Dans la clairière toute proche, où pousse un petit champignon violet, où tu peux aller placer la tête. Mais c'est ce que je vais faire. Fin. Et moi, je suis choqué depuis tout à l'heure. What? Bon, alors, je pense qu'il y a un débrief à faire, voilà. Donc, je vous écoute non, pas de... sur votre ressenti. C'était intéressant, même si j'ai pas forcément au départ compris tous les tenants et les aboutissants dû à mon absence prénaturelle à la dernière fois. Ça revient là-dessus. C'était intéressant. Je vois pas quoi rajouter d'autre, honnêtement. Alors, est-ce que vous étiez... Moi, j'ai une première question. Est-ce que vous avez senti une adversité dans cette phase de jeu ? Oui, à la toute fin. À la toute fin, vous l'avez sentie présente ? En début et en milieu, moins. Enfin, début, pas du tout, j'ai l'impression. Milieu, on commençait à la sentir. Bah, en fait, il y a une gradation de la difficulté, tout simplement. C'est à peu près le même ressenti que j'ai pour Mathieu. J'ai pas été très actif vers le début et le milieu, mais vers la fin. Oui, toi, tu t'es jeté contre les comment ours. Et moi, j'ai... Ton activité de jeu s'est intensifiée avec la difficulté. Oui, en gros, c'était pas spécialement pour la difficulté. Je m'en doute. Ah. Alexan, je... Ouais, bah, Alexan, tu fais ta section de débrief, il faut partir, ou alors tu vas tout de suite, je sais pas, c'est comme tu veux. Alors... Moi, j'ai rien à dire, moi. Est-ce que c'était plus... Oui, on va dire déjà cela. Est-ce que ça vous a plu, oui. L'histoire, yes. Globalement, oui. Est-ce que pour vous, c'était cohérent, l'histoire? Est-ce que vous avez trouvé une cohérence à l'histoire? Oui. Ça dépend des moments. Est-ce que vous avez trouvé... est-ce que vous aviez le sentiment d'être dans une Scandinavie fantasmée ? Oui. Oui. Enfin, est-ce qu'il y avait un côté des paysans ? Oui. Est-ce que vous avez senti des morceaux de millevaux dedans ? À la Non, un tout petit peu. Non, tu vois, on n'a pas vu du tout, hein. Non, de quoi tu parles ? Bon, bah alors voilà, moi, pour mes questions... It's you. Je vous remercie. No, it's you. It's me? Yes.